Bonjour, bienvenue dans cette demi-heure spéciale d'assemblage requis avec Kiwan et Mathieu. Salut Kiwan. Salut Mathieu. On commence l'émission un petit peu plus tôt que d'habitude aujourd'hui, hein? Oui, parce que c'est une émission spéciale. Aujourd'hui, ça vaut la peine de commencer une demi-heure plus tôt. On vous laisse savourer jusqu'à la dernière goutte, hein, comme un citron ou une débarbouillette, hein? Pareil, tu la tords, puis ouais. Ça va tordre. En fait, ça comme va torquer, comme vous allez le voir dans quelques minutes, comme, parce que... Ou comme des vieux bas trempes, où si tu les tords, tu les savoures. Quand t'as sué dedans, c'est ça que ça veut dire? Ouais. T'es pas très propre, toi, hein, comme en général? OK. OK. C'est une affirmation. Plus tard dans cette première demi-heure, on va avoir une capsule de vidéo à la question. Une super bonne capsule avec Torque FM. On ramène Marty Boy de Torque FM dans les bonnes vieilles capsules. Ben là, c'est une toute nouvelle capsule avec lui. Ça va être tout à l'heure, mais on commence en musique. Voici Zoo, c'est How Does It Feel. Puis après ça, ben, on vous... On parlera pas par-dessus les pièces tout le long de l'émission. Non? Sauf ici, parce que c'est le fun. You can feel the earth. Under your feet, you are like a dog who roams the streets. And how does it feel? How does it feel? How does it feel that you can make them feel you're alone? No, you can't. Thank you. that in. When she comes around, I almost lose my mind, but I try to hide it. Pas trop compris, mais c'est ce que j'ai cru décoder. Ça, c'est de la bonne seconde, framboise et pomme. Elle emmène tout un train d'allant, la reine de ton père, les sucrés, sa majesté. Chose à quoi c'est pas ce qu'il y a d'érange, comme parler puis promener, ça gomme entre ces beaux dentiers. Ça c'est de la bonne seconde, framboise et pomme. Ça c'est de la bonne seconde. T'as les yeux comme un trou quand une balloune te pète sur le nez. La chance pour un jaloux de s'approcher et de surprendre la merveille masquée. Fred Fortin avec la pièce, une très bonne pièce, c'est La Merveille Masquée, Tune pour Léonie, c'est sur son album Plâtrer la Lune. Avant ça, on a entendu The Pinecones avec Sage et Zeus avec How Does It Feel, qui a débuté le bloc. Vous êtes à Assemblage Requis, et avant de me couper moi-même sauvagement tantôt, ou de commettre Mathieu Plante, comme on dit dans le domaine, en fait, commettre Mathieu Plante, ça voudrait dire un mauvais jeu de mots, je pense, maintenant. Les gens ont commencé à vraiment s'approprier l'expression l'Académie Mathieu Plante, pour les mauvais jeux de mots. Ça peut vouloir dire tellement plein de choses. Ouais, c'est ça, l'Académie Mathieu Plante pour les gens qui ne savent pas faire rire génial, mais qui veulent apprendre à faire génial d'autres trucs, comme dans Zoolander. Ah, non, tu vois, non, c'est pas une référence que je connais, ça. Non. Dommage. Ouais. Comme on dit, si c'est drôle avec Mathieu Plante, c'est qu'il y a quelque chose qui marche pas, là. Ce n'est pas un Mathieu Plante. Donc, avant de me couper moi-même tantôt, ce que je voulais dire, c'est que plus tard, on vous parlerait de ce qui s'en vient d'Ray. Ce qui s'en vient plus tard, ben, c'est une ribambelle d'invités. En fait, on a invité tous les chroniqueurs de la session en cours à venir avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Et on va, au lieu de faire un bien cuit, on va faire un très cru. Ouais, c'est ça. C'est comme le principe inverse d'un bien cuit où tout le monde s'acharne sur une seule personne. Mais là, ça va être nous seuls qui vont s'acharner sur tout le monde, c'est ça? Ça va être bien sympathique, ça ressemble à ça, ouais. On va aussi avoir une capsule de vidéo à la dernière question. Ça va être après le prochain bloc musical. Ça va être sur Torque FM. Donc, soyez-y tout à l'heure. Mais pour l'instant, le prochain bloc, il va y avoir Oromocto Diamond avec The Last Diamond in the Cave. On commence avec un groupe que t'adores. Hobijou. Voici Black Ice. Tout de suite. Assemblage requis. Au 89. Fin. I took the bus. écoutez Assemblage Requis jusqu'à 17h. Diamond et The Last Diamond in the Cave à Assemblage Requis. C'était précédé de qui déjà? De Obijou avec Black Ice. Très bon bloc, Mathieu. Tout à fait. Merci. Et, pareillement. Ah, ça me fait plaisir. Tu as envie d'entendre un nouveau sketch de Vidéo avant la question? Je te demande ça, comme si tu avais vraiment le choix. Hein? C'est ça, comme si tu n'étais pas en train de le préparer, de l'envoyer là tout de suite. On syntonise donc Torque FM. Écoute le Marty Boy Show sur Torque FM. Hey la gang, vous écoutez le Marty Boy Show sur Torque, votre émission de radio poubelle, tellement poubelle que c'est l'agent Glad lui-même qui signe nos chèques de paye. Yeah! Aujourd'hui, la gang, en tant que bonne radio poubelle, on va traîner du monde dans la boîte, puis pour faire ça, on va jouer à un petit jeu à votre niveau intellectuel, ma gang de BS. C'est du même principe que quand je vais au marché, je mets dans mon petit panier, sauf que là, c'est rendu, quand je pogne un prêtre pédophile, que c'est que je fais pour le punir? Fait qu'à go, on ouvre les lignes. Oui, allô, t'es sur Torque. Bonjour, Marty Boy. Tiens. Le ménage est fini, fait que madame s'est dit, pourquoi ne pas appeler dans le radio, hein? Ah ouais, la grosse, défoule-toi. Ah oui, bon, quand je pogne un prêtre pédophile, qu'est-ce que je fais pour le punir? Moi, j'y tranche le scrotum avec un rapala. Oui, chopper à la poche avec un couteau à pêche. Parfait, ça. Merci, la grosse. On passe à un autre appel. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô, on vous écoute. Moi, là, le s**t du cochon, là, oui, je le prendrais, là, l'attacherais sur une chaise, là, pis là, là... Hey, Mathusalem, là, je pense que vous avez pas compris le jeu, là. Hein, Pépin Bouchard? Faut que vous répétiez ce que la grosse madame avant vous ferait avec le prêtre pédophile avant de dire ce que vous y feriez à votre tour à ce vieux cochon-là. Ah oui, c'est vrai. C'est... quand je pogne un prêtre pédophile, qu'est-ce que je fais pour le punir? J'y tranche le scrotum avec un rapala, puis je le passe écouter toutes les reprises de Call TV, une à la suite de l'autre. Et hey boy, ça fait mal, ça. Merci, monsieur. Next caller. Salut, Marty Boy. Quand je pogne un prêtre pédophile, qu'est-ce que je fais pour le punir? J'y tranche le scrotum avec un rapala. Je le force à écouter toutes les reprises de Call TV, une à la suite de l'autre. puis j'y colle un hostie sur ma langue, je le laisse coller là toute la journée, puis à la fin de la journée, je l'arrache d'un coup comme un plaster. Vous êtes malade, bravo, merci madame. Hey, on aime ça. Next, next a caller. Oui, allô, t'es sur tour. Oui, alors moi, je m'appelle Gaz. Je suis marocain, alors je te dis salam alaikum, mon ami. Malade, tu y sembles les couilles, mon ami. C'était écœurant, on aime ça, le rap à la, call TV, l'hostie sa langue, puis là, on y sembles les couilles. Yes! Hey, un Marocain en plus qui m'appelle, je me sens toute spéciale. Hey, du Maroc, toi. Hey, t'imagines-tu tout couscous qu'on peut faire avec un prêtre pédophile, mon homme? Hein? Hein, mon Gaze? En tout cas, merci d'avoir appelé, mon Gaze. Mais ceci dit, ta mère a laissé un message, là. Faudrait que tu rappelles ta mère, Gaze. Maya guys. Next call! Marty Boy, mon fils, je veux bien croire que parfois il faut tendre l'autre joue lorsqu'on a péché, mais là, je te trouve pas mal dur avec le clergé aujourd'hui. Excusez-moi, mon père. Vert, père vert. Hey, après la merguez, on a le père vert. Yes! Ben écoutez-moi, là, on serait pas aussi dur avec le clergé si le clergé était pas aussi dur avec des affaires qui n'ont pas d'affaires à être dures de sûr. Compris votre obscénité? Bon, excusez-moi, monsieur le révérend dans le brun, faut que je vous floche. Vous pouvez retourner vous montrer la graine sur le chat roulette, vieux dégueulasse. Oui, oh, qu'est-ce qu'il y a, Mike? Hey, la gang, Mike à la technique m'annonce qu'on a le numéro 2 du Vatican au bout du fil. Oh, ça va chauffer comme un lendemain de soirée avec Anne-Marie Lozic, ça. Salut numéro 2, t'es sur Torque. C'était le numéro 2 du Vatican. On y va en rock sur Torque. Le numéro 2 du Vatican, toi. Il y avait beaucoup de jeux de mots, tu dois avoir apprécié quand même, Mathieu. Particulièrement, ça fait mon plaisir, je dirais. Un peu comme les prêtres se font plaisir sur des petits gars. Donc, c'était ton animateur de Radio Poubelle qui prend vos appels au sujet des prêtres pédophiles. Oui, vous l'avez entendu, Marty Boy de Torque FM, dans le cadre de Vidon à la question, la chronique du mot extrême présentée par Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault. La chronique Vidon à la question qui va continuer cet été dans la formule estivale dont on parlera plus tard et dont on n'arrête pas de laisser tomber les indices. T'es-tu en train de donner loin, justement, des gros indices, là? Ah, ben, ça s'approche. On approche de la fin. Tu vas enfin nous révéler qu'est-ce qui va arriver à l'assemblage requis après l'émission d'aujourd'hui. Oui, mais ça, pas avant la fin de l'émission. OK. Une chose à la fois, par exemple. Hein? Je vais être patient. C'est ça. Donc, retrouvez-les. Vidons la dans la question et suivez-nous et vous verrez bien où ils se retrouveront. L'émission continue jusqu'à 17h. Je vous rappelle que vous êtes dans une demi-heure spéciale d'assemblage requis et ce n'est pas les palmarès assez fous comme c'est d'habitude à ce moment-ci. Dans le prochain bloc, on va entendre Flight of the Conchords avec Too Many Dicks on the Dance Floor qui va bien résumer l'émission d'aujourd'hui et pas mal la plupart de nos émissions jusqu'à depuis le début. Hein? Ouais. Peut-être pas cet été, par exemple. Ah, oh, un indice. Un autre indice. J'arrête pas. Je trouve que c'est un peu vulgaire comme façon de dévoiler tes indices, mais bon. Ouais. Mais tu sais comment j'aime ça, hein? Et oui, quoi d'autre? Ben quoi d'autre, on va entendre tout de suite le flair de ma journée. Par exemple, Pakistan, et ça commence à l'instant. Mes indices vont être de plus en plus guérir. C'est dans la dernière émission d'assemblage requis. Formule régulière. Régulière, mouture fine. Car tu es la fleur de... I see tonight will be made of origami. Tell the fellas, make it understood. It ain't no good if there's too much wood. Make sure you know before you go. The dance floor rojo ratio 5-1 is a rodeo. Test even like it's time to go. Wait outside all night till 5. 20 dudes in a conga line. Too many dicks on the dance floor. Easy to fix. Too many dicks on the dance floor. Spread out the dicks. Too many dudes with too many dicks. Too close to my shit. Too hard to meet chicks. I need better arms, more broads, less rods. Too many men, too many boys, too many misters, not enough sisters, too much time on too many hands. Not enough ladies, too many men, not enough ladies, too many men, not enough ladies, too many men, too many men, too many men. Flight of the Conchords avec Too Many Dicks on the Dance Floor de leur excellent deuxième album I Told You I Was Freaky. C'était précédé des Amis au Pakistan avec la fleur, le fleur de ma journée. Le fleur de ma journée. Faut quand même pas se tromper dans les articles ici, c'est important. Le fleur de ma journée. Et quand on parle des Amis au Pakistan, faut surtout pas se fier à la logique non plus. Non, c'est ça. Faut prendre ça comme au 3, 4 ou 36e niveau. Environ. Dépendant de la pièce. Ouais. Vous êtes Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées. C'est la dernière émission de la session aujourd'hui. Notre grand blitz adorable de chroniqueur. On va se rendre hommage les uns les autres, je pense. C'est un peu ça qu'on va faire aujourd'hui. Tantôt. On verra. On verra bien. Je vous prépare aussi du contenu, un peu de contenu. Je dirais que tous vont en avoir un peu de contenu, un petit peu. du contenu. Un grain. C'est rare qu'on fait ça, tu sais, il faut le dire dans ce temps-là. Je vais préparer une chronique, c'est un fait. C'est bon. En fait, on va pas mal saupoudrer de cet effet un peu pendant... En tout cas, bref. Ouais, OK. OK. OK. On retourne dès maintenant en musique parce qu'on n'a rien de mieux à faire que retourner en musique pendant ce temps-là. Non, mais là, moi, c'est par souci de transparence. Tel le gouvernement. C'est vrai que t'es très transparent. Merci beaucoup. On va au travers. Hein? Ah. T'aimes ça? Ouh. Qu'est-ce qu'on voit derrière moi? Le vide, je sais. Le néant. Le néant. C'est aussi ça dans moi. Et autour de moi. Just never left. Well, I plan to hit the bottom, the bottom, then the top. And I pray that something quits me before I gotta stop. Cause the masquerade is over, but I was barely there. The mask come on, the gilded clock, yet I'm just barely here. Antoine et Mathieu. Assemblage requis. Le problème, c'est que sans référence, ça demande courage que je n'ai pas toujours. La praticabilité de mon famille et mes pratiques familières sont de la fainéantise. Kandan, Plagiat, précédé de 4D avec Family, que c'est, ce sont deux pièces de l'album Les Frères du Son volume 1 qu'on a entendu là, donc c'est très bien. Ouais, c'est dommage, j'ai pas trop de nouvelles concernant 4D. J'étais allé voir sur son site internet, les dernières nouvelles datent de 2008, je pense, donc pas très à jour. C'est dommage parce qu'il y a une nouvelle pièce qui n'était pas sur son dernier album, mais on sait pas trop qu'est-ce qui se passe avec lui. Donc c'est dommage, j'adore 4D. Ouais. J'aimerais ça qu'il sorte quelque chose de nouveau. Surtout cette pièce-là est super bonne, mais super courte. En même temps, elle dure même pas 2 minutes. Même pas. C'est un peu agace, je trouve. Pas mal, hein? Comme toi. Moi? Je sais pas. J'essayais de dire quelque chose de drôle. Juste à cause de mon décolleté que je porte présentement. C'est ça. Tu fais bien, par exemple. ça pis t'as de sucre, là, ensemble, c'est... Ouais, c'est ça. Très joli. Kiwan, as-tu envie d'entendre des faits? Et, on peut pas entendre des faits tout de suite sans avoir accueilli Émilie Gauthier qui va sûrement faire des petites réflexions cocasses sur mes faits, là, parce qu'elle est tellement excitée de, quand c'est ma chronique, c'est un fait, hein? Hein? Ah oui. Un petit peu plus excitée encore? Oui! Hey! Ouais! Bon, parle-moi de ça. Savez-vous quand... Parle-moi de ça, autant de spontanéité, j'aime ça, moi. Ça n'a pas l'air écrit du tout d'avance, c'est comme si on suivait un texte sur un télésouffleur. Savez-vous qu'en moyenne, les Américains meurent 3 ans plus jeunes que les Canadiens? Ah! Ah, hein? C'est bon à savoir, hein? Un acteur a été dans chaque film de Pixar. Il était Ham dans Toy Story, Petey Flea dans A Bug's Life, Snowman dans Monsters, Inc. et Mac dans Cars. C'est pas le nom de l'acteur, mais... C'est comme une devinette? Faut trouver c'est qui? On sait pas c'est qui. C'est ça, ben je peux chercher. C'est peut-être, dans le fond, un nobody, là. Personne connaît, ça va être genre George Papatweaker. Papatweaker, où est-ce que t'as pris ce nom-là? Ça vient de où? François Pérus. C'est bon. Du François Pérus. D'accord. Ben non, c'est John Ratzenberger qui joue dans Cheers, la vieille sitcom, là. Ah américaine. Oui, oui, ok. Ah, bien sûr. C'était... Comment il s'appelle là-dedans? C'est le facteur, là. En tout cas. Bref, continuons avec un autre fait toujours plus inutile. Plus, tu peux trouver quelque chose de plus inutile encore. Ben, tu vas voir. En fait, vous allez l'aimer tous les deux. Vous allez pouvoir même l'essayer en vous levant debout dans quelques secondes. Comment ne jamais plus rater un high five, un top là, un 5 en l'air? C'est en regardant le coude de l'autre personne. Donc, allez-y, levez-vous. Okay, regardez le coude de l'un autre et vous allez faire un... Wow! Hein? Non, refaites-en un autre. Non, à la radio, au moins deux fois. Super, c'est réussi à mort. Bravo! Mais, non, je suis pas sûr. Quel truc excellent. Moi, je lâche une fois sur deux. Le premier, on l'a raté un petit peu, là. Mmh. Mais... Peut-être trop énervé aussi. Mmh. C'est l'excitation de la chronique, c'est ça l'affaire. Oui, moi, il me semble que je suggère de regarder la main, personnellement. Bon. Non, moi, je pense vraiment pas que ça marche, par exemple, avec la peut-être main. Avec le genou. Moi, peut-être. Ouais. Vous faites un high five de pied. Ouais. Peut-être. Si vous respirez l'air de Mumbai en Inde pour seulement une journée, c'est l'équivalent de fumer 2,5 paquets de cigarettes, toi. Mumbai en Inde. Donc, habiter. À Mumbai, c'est comme fumer 2,5 paquets par jour, c'est ça. Trois-Rivières, c'est combien, tu penses? Je sais pas. Hein? Au moins un et demi. Sûrement. Tu penses? Je sais pas. Pas sûr, comparé à Bombay. Sûrement pas. Ça pue, par exemple. Les derniers mots d'Einstein sont morts avec lui. Pourquoi? Devinez pourquoi les derniers mots d'Einstein sont morts avec lui. Ils sont morts avec lui? Ouais. Ces derniers mots. On ne les saura jamais. Pourquoi? Parce que l'infirmière qui était à ses côtés ne parlait pas allemand. Ah! Ben je sais, c'est déprimant même, je dirais. C'était peut-être une nouvelle, une loi, une patente super importante qui aurait pu révolutionner la pollution de la planète, puis on le saura jamais. Peut-être que c'est à cause de ça que Mumbai continue d'avoir de la fumée, tu sais, peut-être que. Peut-être pas aussi, par exemple. Ouais. Ou tu sais, c'était peut-être juste aussi genre. T'sais, ma couche est pleine ou quelque chose de même. On peut se consoler en se disant ça. Donc, prochaine nouvelle. Ouais. J'ai un autre test pour vous, autre que le high five, le top là. Si on veut, comment on dit ça en français, un high five, c'est vraiment pas mal le top là. Tape là-dedans. J'ai un autre test à faire pour vous. Faites un. Ok, commencez avec moi. Faites un point avec votre main gauche. À date, ça va. Ça, gauche, oui. Emily, l'autre gauche, c'est ça. Kiwan aussi, le fait. Ah! Non, mais c'est parce qu'on te regarde puis on est face à toi. C'est comme un réflexe. Ok. Ouais. Ben, parlant de réflexe, c'est un peu ça l'idée. Squeezez votre pouce gauche avec votre main. Squeezez votre pouce gauche. À l'intérieur des doigts, là. C'est ça. Et mettez votre index droit dans votre gorge. Jusqu'au fond. Allez-y, jusqu'au fond. L'index dans. Jusqu'au fond. Jusqu'au fond. Et vous n'allez pas vous étouffer. Attends, jusqu'au fond, vraiment. Vous n'allez pas vous étouffer. Impossible de s'étouffer. Émilie, t'as abandonné. Ah, d'être lâche, là. C'est pas moi, hein? J'essaie. Personne s'étouffe ici, là. Si quelqu'un s'étouffe, c'est pas vous autres, c'est moi, là. Ouais, ok. Mais moi, je suis pas sûr. Hein? Vous allez nous apprendre des affaires ici. Mais c'est particulier. Tu précises que c'est un... Non, c'est un site de fétiche. Ça, de films porno. C'est ça. OK, donc, toujours dans la chronique, c'est un fait. Donc, on apprend des choses qui sont importantes que vous allez pouvoir partager à la machine à café cet été si vous travaillez ou peu importe ailleurs. Ça a coûté 7 millions de dollars pour construire le Titanic, le bateau, mais ça a coûté 200 millions pour faire un film sur le Titanic. Ah! Hein? Ben oui, je sais. Mm-hmm. Mais. Ça rappe bon, puis on pourrait comparer sûrement aussi les revenus du vrai Titanic comparé aux revenus du film. Sûrement qu'il y a un débalancement. Peut-être là aussi. Hein? Dans le Vermont, les femmes doivent obtenir une permission écrite de la part de leur mari pour pouvoir porter de fausses dents, un dentier. Permission écrite du mari. Au Vermont. Ben, au Vermont. C'est pas loin. Ouais, ils en font des choses au Vermont. Faudrait pas que ce soit trop contagieux comme loi. Ouais, sûrement genre une loi qui date de 200 ans et qui n'a jamais été enlevée. Qui n'est pas suivie pantoute depuis, sûrement. La distance entre la surface de la Terre jusqu'au milieu de la Terre, là, c'est le centre, le noyau de la Terre, varie, dépendant de l'endroit, entre 3950 000. Des milles, le système de... Hein? Ouais, oui, hein, ouais. 3950. C'est oui, c'est ça. Et 3963 000. Donc, il y a quand même une pas grande différence. C'est à peu près de 13 000, si on veut, entre 3950 et 3963 000. Ouais. Mm-hmm. OK. Ouais, mais dans le fond, c'est juste la... C'est le relief de la Terre, c'est ça? Ouais, mais là, 13 000. Là. Ouais. Oui, tu te rappelles que je connais absolument rien aux mille, hein, si oui, tu fais référence non, à tes chroniques. Oui, c'était les verges aussi qu'on avait de la misère. Les verges. T'as de la misère avec les verges, Mathieu, j'ai ça. Non, ça me repousse. Est-ce qu'il y a une calculatrice? On va calculer ça fait combien de kilomètres? J'ai un iPhone. Non, non, non. Non, mais c'est quoi? C'est... Non, moi, je trouve que c'est pas vrai ce que tu viens de dire, en fait. Là. OK. Tu doutes de mes, de la véracité des faits que je trouve sur Internet à une place bidon qui est pas vraiment tout le temps fiable. Ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est ridicule ce que je viens de dire. Et dernier fait pour l'instant, Times Square à l'origine s'appelait Long Acre Square. C'est trop long. J'aime pas ça. Ouais. C'est vrai que c'est moins catchy un peu. Puis il y a aussi le fait qu'un acre, c'est une autre mesure que je comprends pas. Comme une verge. Ouais. Donc voilà, vous êtes au courant, vous avez des choses à dire tout l'été. Pour au moins... Pour moins les, ouais. 2 minutes. Là. 2 minutes au moins. Ben, c'était des secondes de plaisir, je trouve. Ah oui. Ouais. Oui. Divertissant. Mm. On soit d'autres faits à un autre moment donné dans l'émission, peut-être. Ouais. Peut-être. Okay. Ou peut-être pas aussi. Tu t'en trouves des bons, mettons. Là, je vais me forcer un peu le prochain coup. Vous êtes toujours à Assemblage Hockey, émission du retour en pièces détachées. Émilie Gauthier est avec nous. Oui. Tout à l'heure, on va lui parler, on va lui faire son son hommage. Sa tête fromagée. Ça a l'air dégueulasse de la tête fromagée. Excuse-moi, dégueulasse. C'est qu'on fera pas ça. Mais pourquoi tu parles de tête fromagée? Parce qu'un hommage puis un hommagé. OK. C'est proche. Ça lui donne faim. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, ça m'enlève toute la faim. C'est comme du ragoût de plot. C'est dégueulasse. Ouais, ragoût de plot. Ouais, c'est un mets de chez Winigan, je pense. Hein? Je pense que oui. Ouais, ouais, je connais du monde qui. Ouais. Ouais. We'll be right back. La pièce Règlement de compte, violence gratuite et cynisme non constructif, entre parenthèses, c'est quoi ton problème, Dariel? Oui, c'est un extrait de leur nouvel album. Le nouvel album d'Ariel qui s'appelle comment déjà, tu l'as dans les. Après mains, le crime. Là? Après le crime, ouais, c'est ça. Je trouve que ça sonnait beaucoup, beaucoup comme le nombre. Je trouvais pas que ça. Avant, là, l'ancien EP, je trouvais pas que c'était aussi ressemblant au nombre. C'est vrai. Mais cette pièce-là, sérieusement, j'avais pas vu. C'est ça que tu faisais jouer. Je pensais vraiment que c'était le nombre qui jouait. Mais non, détrompez-vous. Avant, c'était Vanessa Parietta avec Givresse qui vient de quitter le palmarès francophone, donc c'est plus là. On attend qu'il nous envoie du nouveau matériel pour pouvoir le mettre sur le palmarès parce que toutes les pièces y ont passé. Hein? Fait que c'est un hit, Vanessa Parietta. Avec moi, savais-tu que c'est le jour de la Terre aujourd'hui? Tout le monde prenne la bus une fois dans l'année comme ça pour pouvoir dire « Je vais faire ma part pour la planète! » Ouais, c'est ça. Toujours, à chaque fois qu'il y a une journée de quelque chose, on dit toujours la même affaire. Pourquoi le faire juste une journée et non pas tout le temps? Et voilà. Ridicule, ça. Marchez un peu, marche. Mais quand même, tu sais, des belles initiatives qui étaient prises, entre autres, pour la plupart des justement des services de transport en commun dans toutes les grandes villes là, offraient des passages gratuits. Là. Ici, à Trois-Rivières, c'est fallait que tu sois avec quelqu'un qui a déjà sa passe, je pense. Quand tu as ta passe, tu peux amener gratuitement des amis avec toi. Comme un aveugle. Ouais, c'est ou ça, les ou un handicapé. Aussi, ouais, c'est gratuit pour eux. Je sais pas. Toujours bizarre. Tu dis n'importe quoi. Oui, toujours. Okay. Mais bon, c'est quand même le jour de la Terre aujourd'hui. Et au début de la semaine, je t'avais parlé un peu du festival de films de Portneuf sur l'environnement. Oui, le festival porno environnemental. Exactement, le FFPE 3X. C'est ça. Ah. Portneuf. On fait tellement de la mauvaise information. C'est de la trash radio. Ouais, c'est ça, on fait du trash radio aujourd'hui. Sauf que c'est de la shitty radio. Ouais. Comme le groupe qu'on a écouté hier, Shitty Killers. Ben, ça devient notre nouvelle expression, en fait, quand on parle de quelque chose, c'est très, très Shitty Killers. Hey, mais je vais quand même te parler un peu, même si t'en as absolument rien à foutre. Arrête! Du festival de films de Portneuf sur l'environnement. Je suis sûr qu'Emily, ça va l'intéresser. Elle? Oui. Bon. Donc, il reste encore trois jours, reste jusqu'à dimanche, en fait. Il reste comme trois jours à la programmation du festival qui se déroule principalement à Saint-Casimir dans Portneuf. Donc, ce soir, le film principal qui est présenté, il y a toujours un film principal qui est précédé de deux ou trois courts-métrages, toujours sur l'environnement. Celui de ce soir, c'est Visionnaire planétaire qui avait déjà été présenté aux nouveautés de l'ONF ici à Trois-Rivières il y a quelques mois. C'est un film, dans le fond, qui parle de Michael Rioux, qui est un activiste environnemental qui a commencé chez eux en défendant sa rivière, la rivière de son enfance chez eux, en arrière de sa de vraiment chez lui, là, tu sais, sa rivière chez lui. Puis la crique, qu'on appelle. Genre. Puis tout ça l'a mené finalement à devenir vraiment un personnage important sur la scène de la défense environnementale. Il fait le tour du monde aujourd'hui, puis il sensibilise plein de gens. Donc c'est un peu genre de documentaire sur lui et sur son parcours. Demain, un film très, très, très intéressant, Réfugiés de la planète bleue. C'est une production de l'ONF. C'est un peu le film vedette du festival des films de Portneuf sur l'environnement. C'est un film qui parle des réfugiés politiques, des réfugiés environnementaux. Réfugiés environnementaux. En tout cas, bref, tu sais, il y a plusieurs types de réfugiés dans le monde. Il y a des réfugiés politiques, des réfugiés de guerre, et maintenant, il y a les réfugiés. C'est quoi l'expression? Vous m'aidez pas du tout. Ben, je la connais pas, la réponse. En fait, je sais pas de quoi tu veux parler, donc. Et les réfugiés du Rebut Global, je pense, à Télé-Québec, ou le show du Grand Refuge avec Dan Migros, c'est tout ce que je connais. non, c'est ça, c'est réfugiés environnementaux. OK. On appelle ça comme ça. Je me demandais si ça avait un autre nom, mais c'est des réfugiés environnementaux qui ont vraiment maintenant. Ben, en fait, le statut n'est pas encore clairement défini. Donc, le film parle un peu de ça, parle de la reconnaissance de ces réfugiés-là qui sont vraiment chassés de chez eux pour des raisons environnementales. Soit les gens qui habitent dans des îles, dans des petites îles, dans les océans. Ouais, c'est ça, à cause de l'augmentation du niveau des océans, ou en tout cas un paquet de raisons qui font qu'on peut être un réfugié environnemental. Mais c'est ça, c'est pas clair le statut, donc au niveau de l'accueil pour les pays industrialisés, l'accueil de ces réfugiés-là. Donc bref, c'est demain, les réfugiés de la planète bleue. Et un autre film qui m'a l'air très très intéressant samedi, c'est H2 Oil, qui parle de l'exploitation des sables bitumineux, entre autres au Canada, principalement au Canada, étant donné qu'on est le plus grand transformateur de sable de sable bitumineux. Saviez-vous que ça prend 4 barils d'eau douce pour produire 1 baril de pétrole dans les sables bitumineux? Wow! Puis ensuite, cette eau-là n'est pas récupérable. En fait, eux, ils la font décanter pendant des années et des années, puis ça en prend tellement, il y a tellement d'eau qui est utilisée que les bassins où ils décantent cette eau-là sont visibles de la Lune, de l'espace. De la... Wow! Donc, si on parle de cette industrie, ça c'est samedi le 24. Et aussi, le 24, c'est la présentation du cabaret Kino, parce qu'il y a plusieurs kinoïdes qui sont présentement à Saint-Casimir et dans le coin de Portneuf pour faire des nouveaux films là, qui vont être créés là, aujourd'hui, demain, samedi, et vont être présentés samedi soir. Le principe Kino, finalement. D'accord. Donc, si vous voulez plus d'informations sur la programmation, c'est le www.ffpe.ca. Et essayez donc de faire attention à la Terre les autres journées qui ne sont pas le jour de la Terre. Très bien dit, ça, Kiwan. C'est une belle morale. Ouais, hein? Tout assemblage requis, émission du retour en pièces détachées. Plus tard dans l'émission, on va le commencer, notre très cru. Pas bien cuit, très cru. Avec les autres invités qui vont arriver avec le temps. Ça en vient. Je suis tout seul. Ben oui, Émilie est là puis elle attend, mais tu sais, elle a du plaisir quand même, sûrement. Ben oui. Wow. Mais là, je pense que les autres m'aiment pas. Non, je pense que les autres ont plus des excuses. Mais ils s'en viennent. On s'en va entendre un petit peu de Mimi Valderglo. Voici la pièce Soleil de la Rive-Sud et on se retrouve juste après. Assemblage requis. 89.1. Nouvelle génération. Vous êtes assez fous. Jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est Fou 89.1. 3 hot knocks in the dead man's head, it's time to go. Long dead bird on the side of the road and the gold scarecrow. Wax Mannequin avec la pièce Broken Friends. Tu as vu la photo, Mathieu, sur le MySpace de cet artiste? Le gars qui se fout les cordes d'une guitare à pleine face, là? Ben, il est comme... Sa tête est entre la guitare et entre les cordes et le caisson de la guitare. Ouais, ah c'est ça, ok. Ouais, ben oui. T'avais comme pas vu. Ben, j'avais pas assez regardé longtemps, je te dirais. Là. Ouais, comme sa face est écrasée par les cordes et comme sa tête est à l'intérieur de sa guitare. C'est malade. Ah, c'est malade, j'essaie de le retrouver, mais apparemment que ça marche pas bien, ça. Live comme ça. Bref, c'est Wax Mannequin, c'est un extrait de son dernier album sur date de, je pense, 2009, je crois. Ben oui, mais comment ils ont fait ça? Ils ont loussé les cordes puis ils ont tiré dessus pendant qu'il y avait la face dedans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, c'est ça. C'est un fait, tu sais. Mais en même temps, je sais pas si c'est sa vraie face ou si c'est vraiment un mannequin de cire. Oh! Ah! Ou peut-être que c'est Elvis. On a appris qu'Elvis était mort et que c'était peut-être... Il était pas mort, mais dans le fond, c'était une figure de cire avec des cheveux collés sur sa tête dans la chronique de Simon hier. T'es pas là pour ça, toi. Non. Émilie Gauthier. Controverse. Oui, ben c'était écœurant, hein, ça n'a même pas de sens. Ça, c'est Émilie Gauthier de la chronique Veux-tu sortir avec moi? Oui. Ça, pas ça. Elle est, là. Ouais, pas j'étais là. Chose, ben là. Merci. Ça, c'est la voix de que j'aurais pu dire aussi. Kiwan qui est toujours là, Mathieu Plante toujours ici. On attend encore nos invités, nos chroniqueurs pour faire leur très cru tantôt. Hein. Je suis sûr qu'ils sont très intrigués et attendent seulement de savoir ce que ça veut dire finalement. Mm-hmm. Ouais. Mais avant ça, on va parler de quelques faits encore, les amis, parce que je sais que vous voulez être renseignés, puis c'est pas mal tout ce qu'on a à faire en ce moment. Ouais, renseigner, c'est quand même un drôle de terme. Ben, c'est ça, c'est large. La vérité est un mot très très large qui peut être appliqué à plein de choses qui peuvent être soit véritables, véridiques et vérifiables ou encore. On la pourrait bullshit. En douter. La bullshit. La BS, comme on dit. Tu sais, en français, BS, ça veut dire quelque chose. En anglais, BS, ça veut dire bullshit. C'est ça. Donc, saviez-vous que les lumières qui sont au coin des rues, c'est les lumières pour le trafic, là, hein, ont été inventées avant les voitures et avant l'électricité et avant elles explosaient. C'est ce qu'on nous dit sur omg13unionfacts.com. Je vous en parle plusieurs détails. C'est vrai, c'est vrai. Ah, vous doutez, mais c'est vrai, ça. Celui-là, il est vraiment expliqué comme faux. C'est très vrai. Okay. Les premières lumières de trafic ont été installées devant la House of Parliament britannique en 1868. L'ingénieur John P. Knight a inventé ces lumières de trafic pour si on veut, contrôler le trafic des chevaux. Tu sais, les comment t'appelles ça, les calèches. Eh bien, calèches, tu l'as eu. Les chars, c'est ça. Donc, il a basé ça sur le système sémaphore qui était utilisé pour les trains britanniques avec un bras qui montait et qui descendait pour indiquer où arrêter, où aller quand repartir, si on veut. Donc, la nuit, quand il faisait trop noir pour voir les bras, les signaux de trafic utilisaient des lampes avec du gaz rouge et vert. Pour pouvoir fonctionner, les premières lumières de trafic devaient avoir un policier directement à côté en tout temps pour arrêter et partir ces petits signaux de couleur-là. Et une fois, à un moment donné, la lampe à gaz a explosé, ce qui a blessé l'officier de police. Le projet a été arrêté là, immédiatement et les lumières de trafic n'ont pas été revues avant 40 ans plus tard. C'est quand même assez intéressant, je trouve. Mais tu sais, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir qui, au début, là, le premier a décidé que vert, ça voulait dire go et rouge, ça voulait dire arrêter. Ben, le rouge, ça représente tout le temps le danger, là, le feu, quoi que ce soit, wow, mais ouais. Je sais pas pourquoi le vert. Là, Mais tu sais, même à la base, là, il y avait la seule lumière qui existait, c'est la lumière du feu, mettons. Mais quelqu'un un jour a dit, ah, là, non, le rouge, ça veut dire danger, ça veut dire. Non, imaginez que quelqu'un aurait choisi une autre couleur. Là. Ben, ça aurait pu être un système comme si, mettons, c'était parti peut-être du feu, parce que c'est peut-être ça, mais peut-être que le feu est intensément chaud et rouge, mettons. Ouais, c'est vrai, la braise, c'est rouge. Mais ça aurait pu être orange et puis jaune, tu sais, comme différents degrés de t'sais. Mais par contre, côté daltonisme, ils font pas la différence entre jaune, orange, rouge. C'est pour ça qu'on a des formes maintenant sur les feux de circulation. Ça aussi. Je ne sais pas. Qui sait ça? Bon, des faits un petit peu plus rapides maintenant. Le mot, là, on va parler de la langue anglaise un peu. Le mot dreamt, D-R-E-A-M-T, donc avoir rêvé au passé, est le seul mot dans la langue anglaise qui se termine avec les lettres M-T. Dreamt. Il n'y en a pas d'autres. Aucun d'autre. Toujours dans la langue anglaise, le mot facetiously est le seul mot qui a toutes les voyelles en ordre si on inclut le Y. Donc A-I-O-U-Y, facetiously. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est de façon facétieuse. Facétieuse, est-ce que ça se dit ça, facétieuse? J'ai aucune idée de ce que ça se dit en fait. Parce que je sais ce que ça veut dire comme définition, mais le mot en tant que tel, j'ai aucune idée. Non, mais. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire comme définition? Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est définis-nous-le. Ouais, définis-nous-le. Je voulais donner la définition. On se calme. C'est bien facétieux en français, le mot. Facétieux. Facétieux, mais je cherche encore la définition. Je vous reviens là-dessus au pire, hein? Parce que ça va commencer à être long, sinon. Au pire, hein? En tout cas, que voulez-vous? Prochain fait divers, les raisins. Les raisins. Grapes. Les raisins. Explosent lorsqu'on les met dans le micro-ondes. Oui, oui. À l'émission, là, tu sais, l'émission bizarre de Infoman, de Jean-René Dufort avec Marie-Céla Michon et Pierre Brassard, l'émission qui animait les trois ensemble. Ah oui, là. En attendant Ben Laden. Oui, c'est ça. Il faisait toujours des expériences scientifiques. Il avait vraiment testé. Quand tu coupes un raisin en deux, pris un raisin vert, ils l'ont coupé en deux, ils ont mis les deux surfaces coupées à plat sur une assiette. Puis il explose vraiment. Ils prennent en feu, puis il explose. C'est malade. C'est génial, ça. J'adore ça. Je vais l'essayer. On essaiera. Ouais. Des micro-ondes très fonctionnels de la cafétéria. Ouais, c'est ça. Si tu le mets dans un four, un fourneau, tu fais quoi? Ouais. Je sais pas si c'est juste. Non, je pense pas que ce soit la chaleur. Je sais pas. En passant, un facéchus, j'ai trouvé, là, c'est quelque chose d'humoristique. Tu joues, tu fais comme ton petit drôle, tu es donc ben facétieux, genre. Okay. À peu près, je m'en fais. Toujours dans le cas, c'est un fait de fait inutile à savoir, mais que vous allez pouvoir partager avec vos amis pendant l'été, hein, pendant les vacances des classes. Hein? Après les examens, rassemblez-vous autour d'une bière et racontez-vous des faits. Jimmy Fix, qui est l'homme qui a en fait commencé la mode, démarré la mode du jogging, est mort d'une attaque cardiaque pendant qu'il faisait du jogging. Parce que tu crois ça, Émilie, qui est la collègue pénale, toi? Hein? Hein? Mais... Non, c'est-tu déprimant, ça? Mais quand tu dis la mode du jogging, tu veux dire la mode de courir ou de porter le jogging? Du courir en jogging. Okay, du courir le jogging. Ouais. OK, moi, je pensais les pantalons. Non. Du tout. Moi, c'est ça. J'aurais été encore plus plate parce que là, il aurait été en plus en jogging lors de sa mort. C'est comme pas chic-chic, là. Non. Ouais. C'est mieux qu'en bobette, là, mais... Clairement. Ben, c'est pour ça qu'on dit de porter des bobettes propres au cas où tu meurs dans la journée. Ouais. Sa toilette, comme Elvis. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais. Saviez-vous, un autre fait divers ici, que la plupart des gens, 65% en fait, penchent la tête à la droite lorsqu'ils embrassent quelqu'un. Ou de la gauche. Penchent la tête à droite en l'embrassant. Ouais, mais ça, tu sais que ça veut tout dire quelque chose. Hein? Ça s'appelle la synergologie, je crois. T'es-tu sérieux? Tu m'apprends quelque chose ici, là. Ben, moi, j'ai lu à quelque part qu'on se penche la tête à droite parce que c'est la position du fœtus. On se retasse la tête vers la droite parce que c'est comme un mouvement naturel ou quelque chose comme ça. Ouais. On peut chanter à son bébé aussi. Ça s'appelle Bouche-moi le col mou. Ouais, ça, c'est possible. Mais non, pour vrai, il y a vraiment un livre qui existe que je crois avoir déjà lu même, qui s'appellerait exactement La Synergologie. C'est un livre de Philippe Turchet. Et ce gars-là étudie vraiment la synergologie. C'est vraiment l'étude de ce que le corps dit sans parler. OK. Comment il s'appelle? Philippe Turchet. Ouais, c'est ce que tu recherches. Exactement. Comme information. Bravo. Ouais, ça, tu peux même aller sur le site synergologie.org. Là, c'est un site qui est entièrement dédié à l'étude du non-verbal. OK. Ouais, ouais. D'accord. Donc, si tu penches la tête par la droite, là, vers la droite, sûrement que ça voudrait dire que ton corps fait appel au côté gauche de ton cerveau, là, vu que c'est toujours inversé. Donc, là, le côté gauche de ton cerveau, c'est probablement le côté émotionnel. Donc, ça veut dire que tu te sens émotif. Et si tu le fais par la gauche, c'est que tu n'aimes pas l'autre personne. C'est rationnel, oui. D'accord. C'est rationnel, oui. Dans le film Grease, ou en français, excellente traduction, Briantine, hein? Ouais, je sais, c'est complètement ridicule. Une scène où Rizzo, le personnage de Rizzo, chante une réplique sur Elvis. En fait, ça a été filmé le même jour de la mort, supposé de guillemets, d'Elvis. Fait que c'est peut-être ça qui l'aurait tué, bref. Peut-être, ouais. Pour ça. Ou pas. Ouais, pas mort, là. Qui aurait déclenché le mythe. Le mythe. Plus de 99% de toutes les espèces qui ont vécu sur la planète Terre, les 99% des espèces sont mortes. Sont finies. L'extinction totale, c'est ça existe. Ouais. Il ne reste qu'un pour cent de ces animaux-là. Le suicide tue plus de gens que les homicides aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Aux États-Unis. Triste. Évidemment, ça ne parle pas des animaux. On ne sait pas si c'était un suicide. Là. Que les animaux se seraient tués eux-mêmes. Ouais, ça existe-tu? Je ne sais pas. Mmh. Peut-être, hein, c'est peut-être de la synergologie. C'est peut-être de la signergologie. Ou de la... J'essaie de faire un jeu de mots avec synergologie, mais ça ne marche pas. Non, mais tu sais, quand même, c'est pas si étonnant qu'il y ait plus de morts par suicide que par meurtre. Là. En tout cas, aux États-Unis, je sais pas, je suis sûr qu'ils se tuent plus qu'ici, là, mais tu sais. Ici, au Québec, il y en a quoi? Il y en a genre 50 par année. Puis des suicides, je pense qu'il y en a 3 par jour. Ouais. Mais je sais qu'on a un grand public qui écoute Assemblage Requis aux États-Unis, donc ça pourrait contribuer à une. Ouais, c'est vrai. Dont certaines... Francis Martin, entre autres. Où qu'il soit, on le salue. Dans les publicités de bière, ils ajoutent du détergent, du détersif liquide pour que la bière ait plus de mousse à l'intérieur. Ah ouais? C'est vrai. Donc, si tu vois quelqu'un en train de la boire, la bière, ben, c'est peut-être qu'il n'y avait pas tant de mousse que ça, hein, celle-là. Peut-être. J'espère, pour eux autres. Puis probablement qu'il la recrache pas longtemps après. Ouais, probablement. Comme le vin chez les prêtres. Hein. Je pense qu'il n'y a pas d'avaler le vin. C'est pas sûr? Non, je pense pas. Ça, c'est pas un fait, par exemple. Moi, je pense plutôt que. Ouais, ça y va par là. Oink, oink, ouais. Je faisais un signe de la main ici qui était très, très pervers, mais c'était une joke de prêtre. Ça compte pas, j'avais bu. C'est ça. Et on termine avec la langue d'un caméléon qui est plus longue que son corps au grand complet. Oui, un caméléon peut utiliser sa langue pour attraper une proie à une distance qui équivaut à une fois et demie la longueur de son corps. Non seulement ça, mais leur langue bouge tellement vite qu'elle viole les règles générales de la propulsion des muscles. La langue du caméléon sort de sa bouche à 13,4 miles à l'heure et accélère de 0 à 20 pieds par seconde en environ 20 millisecondes. Là, on compte comme un auto, là, tu sais, de 0 à 20 millisecondes. C'est donc un taux qui est plus rapide que n'importe quel muscle du corps humain. Et les scientifiques on a dû utiliser une caméra vidéo haute vitesse et des rayons X pour calculer la vitesse. La langue du caméléon fonctionne un peu comme un arc, avec des flèches, un arc et fléchettes, là. Ça peut excéder les limitations normales des mouvements du muscle. En fait, l'animal peut faire ça en retenant sa langue à l'arrière avec un tissu élastique. Et ensuite, elle envoie la langue lorsqu'elle a assez de tension. Les scientifiques appellent ça le système de la catapulte pour eux. C'est un peu un mot qui existait déjà, mais bon. Donc, ça veut dire qu'un caméléon n'a pas vraiment besoin de faire de contorsion pour se lécher les parties. C'est ça. Ou celle de sa... Penses-tu qu'ils font ça? Je sais pas, faudrait leur demander. Je pense pas que ça se fait dans le règne animal. Je pense que ça a été développé par... c'est comme brandé par les humains. Ouais. Mais bon, peut-être que comme des humains, comme... je sais pas, je donnerai pas personne, mais peut-être que là aussi, il va falloir une caméra de vitesse et des rayons avec ça pour voir la... Vu que ça va tellement vite quand tu... avec c'était comme une insulte ratée. Moi, ça s'adressait à qui au juste? À Maxime. Ah, ça en vient tantôt, mais il peut pas se défendre pour l'instant. C'était vraiment gratuit, bref. Ça coûtait rien du tout pour lui. OK. Ouais, pour la chronique, c'est un fait. Vous avez appris des tonnes de choses à dire à vos amis. Par exemple, pendant un prochain oral, si vous voulez utiliser ce matériel-là pour un oral de fin de session, go for it. Hein, le crédit va au site que j'ai utilisé, omg-unionfax.com. C'est bidon total. J'adore ça. Ouais. En tournant en musique un peu, on va l'entendre... je sais, je m'en terre à chaque fois. On va l'entendre du Malcaps tantôt, mais pour l'instant, voici Moussette avec un extrait qui se nomme Strob. On l'a écouté une fois ici à un moment donné, puis c'est bien bon. Fait que... Strob, ça. C'est Strobement bon, hein? Hein, Emily? Strobement bon, comme un Strob. C'est Strobement bon. C'est ça. Madcap, c'est la pièce Gotta Get Ready à Assemblage Requis. C'est la fin de la première heure. On se retrouve tantôt avec une deuxième heure. Et là, ça va vraiment être notre très cru. Pas notre bien cuit, notre très cru. On vous l'expliquera en détail tantôt et on placotera avec tous nos chroniqueurs de la session. Restez là. C'est fou. C'est fou, c'est fou. C'est fou, c'est fou comme... C'est fou, c'est comme ça, ça fait rire végétarien. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. Rebonjour Kiwan. Rebonjour. Et c'est là, cette deuxième heure-là, c'est là que ça va commencer à être intéressant, là. Enfin. Enfin, tout le monde sont là comme... Yeah. Je me sens comme si j'étais dans un studio B, je te vois presque plus. C'est ça, on est comme coupé par des appareils quelconques. Donc, le très cru, ça va commencer dans quelques minutes. Et en fait, même, je pourrais dire que ça commence par cette première pièce. On va écouter un petit peu de OK Go avec White Knuckles en hommage à Emily. Et on lui parle juste après. C'était OK Go avec White Knuckles, pièce pop, mais aujourd'hui, il n'y a pas de règles. On joue ce que l'on veut, parce qu'on en aime ça. Beyoncé. Non, pas exactement, par contre. Pas game. Pas de CD, plus. Vous êtes toujours à Assemblage Requis avec Kiwan et Mathieu, et là, c'est nous qui allons être les maîtres de cérémonie, mais on doit expliquer le concept un peu de ce très cru qu'on appelle, hein, Kiwan? Mm-hmm. C'est un thème qu'on a inventé, c'est comme le contraire d'un bien cuit. Dans le sens de? Ben, dans le sens qu'un bien cuit serait, par exemple, tout le monde qui aurait préparé quelque chose à dire sur une seule personne. Mais là, c'est le contraire. C'est une seule personne qui ont préparé quelque chose à dire sur chacun des chroniqueurs qui sont ici. Et voilà, donc, on va commencer avec Émilie Gauthier, qui est la première qui est arrivée en studio tantôt et qui nous attend depuis. Émilie Gauthier, bonjour. Allô. Tu vas bien? Ben là, je suis stressée, là. C'est ça, ben... Je suis comme la première à passer, je sais pas ce qui se passe. On va te présenter avec les faits qu'on connaît de toi, les choses qu'on a appris de toi à travers la session. Il y en a quand même beaucoup. On sait que tu viens tout droit de la grande région de Valleyfield, précisément de Melocheville. Certains disent qu'elle nage jusqu'ici à chaque semaine et que ses bras sont bien fatigués. Oui, tout à fait. C'est une fille de plein air, ce qui explique peut-être pourquoi elle est malade pas mal à chaque fois qu'on la voit. Elle travaille dans un magasin de plein air où elle doit conseiller ses clients et on espère qu'ils ne sont pas aussi insignifiants que moi avec leurs questions bidons. D'ailleurs, elle apprécie beaucoup mes jeux de mots et mes commentaires ridicules, ce qui explique probablement pourquoi elle veut revenir avec sa chronique la session prochaine. Elle étudie en communication sociale, alors elle doit être en train de chercher quelque chose à faire, mais pas dans son domaine. Elle a reçu une bourse pour sa chronique Vue de sortir avec moi et elle nous a apporté du chocolat en studio à Pâques, donc elle se demande si c'était... Nous, on se demande en fait si c'était pas un pot de vin en retard pour acheter notre vote. On ne saura jamais. Mais comme il était délicieux, on lui en voudra pas trop longtemps. Évidemment, on peut pas douter d'une personne qui te donne des bonbons. Hein, Kiwan? Hein, Kiwan? Pas du tout douteux. Hein? C'est ça. On sait qu'elle aime beaucoup OK Go, surtout parce que je l'ai influencé. On peut dire que je suis un petit peu son idole, en fait. Et finalement, on sait qu'elle oublie ses clés dans son appartement et qu'elle doit dormir sur le divan. Donc, comme dirait ma blonde, encore une fois, je suis son idole. Parce dort sur le divan comme dans... Dors sur le divan à cause de ma blonde. Hein, Émilie? Oui. Ça te touche? Mais là, je trouve ça bizarre que tu te sois souvenu que j'avais oublié mes clés au début de la session passée. C'était assez marquant, hein? Parlons-en. Fait parfait. Donc, c'est vrai, tu viens de Valleyfield, Melocheville, dans ces coins-là. Hein? Oui. C'est ta ville. Oui. Pourquoi ça s'appelle Melocheville? On ne saura jamais non plus. Hein? Parce que le monsieur s'appelait Meloche. Drôle de nom. Oui. Ouais. Donc, pourquoi est-ce que tu es malade tout le temps? Parce que c'est facile pour toi? Je sais pas. C'est peut-être le contact avec le public. Je sais pas. C'est sûr, si on essaie de... Tu sais, par exemple, dans ta chronique, on essaie souvent de convaincre Mathieu de faire du sport, de sortir dehors, sous prétexte que ça va le rendre plus en santé. Mais là, Mathieu fait des mauvaises associations, je pense. Là. Plein air égale avoir la grippe. Je sais pas. Peut-être pour ça. C'est plus boire du jus d'orange. Ah. Je ferais ça, je pense. Okay. Donc, c'est vrai, tu travailles dans un magasin de plein air depuis longtemps? Ça va faire un an bientôt. T'es déjà une experte. Ah, avec les ouais. conseils que tu nous donnes, c'est évident. Totalement. Mm-hmm. Est-ce que tu as vraiment des questions bidons? Est-ce que les gens sont aussi insignifiants que moi ou tu veux être gentil avec eux autres? Je ne me prononcerai pas sur la question. Ouais, ils ne t'entendent pas, là. Ils sont à Valleyfield. Il y a des clients, des fois, qui posent des questions. Que tu te demandes pourquoi ils magasinent ici s'ils ont ce genre de questions-là. C'est vrai que tu veux reprendre ta chronique la session prochaine? Oui. En fait, même cet été, on a des plans de faire des chroniques cet été ensemble. Ouais, ça serait bien le fun. Mm. Tu es en communication sociale depuis combien de temps? Je termine ma deuxième année. Okay. Tu me restes venir. Mm-hmm. Ben, je pense que la bourse pour que tu sortes avec moi, t'étais quand même content de la recevoir. Hein? T'as des photos du gala sur ton superbe Facebook. Oui. Ben, en fait, c'est parce que je m'y attendais tellement pas que j'étais assez surprise. Puis, ben, ça fait chaud au cœur. C'est apprécié. Mm-hmm. Ouais. Qui d'autre a des questions pour Madame Émilie alors que moi, je viens de faire un bouffon de moi-même avec mes super références? C'est quoi ton animal préféré? Ah, bonne question. Ah ben ça, c'est une très très bonne question. Le lapin est mon animal préféré. C'est quoi ton mets préféré? J'en ai aucune idée. Je suis pas difficile. Je sais pas. T'es pas végétarienne? Non. Non. T'as beau aimer les animaux, mais ils sont bons aussi au goût. Je mangerais pas du lapin, par exemple. Non. Non, non, non. Trop cute? Oui. Ouais. Quelqu'un d'autre, non? Oui, moi j'ai une question. Ben, en fait, je vais parler pour Mathieu. Il doit se demander pourquoi t'as pas mis la même robe que t'avais hier. Parce que je t'ai supposé t'envoyer un message, te dire que Mathieu voulait que tu sois habillé comme hier, mais finalement, ça m'est comme sorti de l'esprit, donc je te le demande. Parce que je l'ai mis hier. OK. Ouais. C'est pertinent. On n'est pas tout comme toi, Simon. Non, mais ça montre que t'es propre. Ouais, c'est ce que tu l'as sali hier. Ben non, mais... Kiwan! Non, inacceptable. Ça va, c'est trop bas. Non, ça n'a pas rapport. Ça n'a aucun rapport. Vous avez vraiment des. Vous avez de la crème glacée. Ouais, c'est ça, c'est ça, je pense. C'est pour vrai. Ou un dog, tu sais. Tu sais, c'est une fille de plein air, elle est peut-être allée faire du hiking avec sa robe et tomber en pleine face. Oui, tout à fait, c'est ça. Ouais. J'allais marcher, je suis tombée dans la boîte en robe. Mais moi, je te dirais que tu as des beaux cheveux. Comme ça, les beaux grands cheveux frisés. Il y a quelqu'un qui te l'a dit aussi. Sophie, elle t'a pas dit ça aussi lundi? Oui, elle m'a présenté comme une fille aux cheveux bruns frisés ou quelque chose comme ça. Là. Ouais. Mais Mathieu, j'aimerais que tu nous décrives la robe d'Émilie. Émilie portait hier. OK, la robe était mauve, elle avait un foulard blanc. Blanc cassé. Ouais. Ça décrit bien, je pense, le résumé de la chose? Tout à fait, oui. Il manque des détails? Non. D'accord. Pourquoi tu voulais qu'elle la remette aujourd'hui? Parce qu'elle était chic, c'est tout. C'est comme un gala aujourd'hui. Garde-moi toi avec ta chemise à carreaux, là, gars. Hey! Hey! Ça n'a pas rapport. Monsieur le styliste, là. Ouais, merci, ouais. C'est ça. Revenons aux moutons. Hein? T'aimes beaucoup OK Go? On a joué tantôt. Oui. C'est grâce à moi, je pense que tu connais OK Go, non? C'est un petit mot que tu as pris. Non, tu connaissais ça avant moi. Oui. Que ça défait le mythe que tu me prends pour ton idole. Ça fait un petit bout que je connais le groupe. Je suis allé voir un spectacle une fois, mais ça fait un petit bout d'ailleurs. Donc, je m'excuse. Mais ce qui est vrai, c'est que tu t'es vraiment embarré en dehors de ton appart. Et ça, tu vas nous raconter l'histoire en ondes pour terminer sur une belle note. Bien, premier party de début de session au mois de septembre. Je me dis, j'apporte pas mes clés, je reviens avec ma coloc. Ma coloc décide de partir plus tôt. Je pense pas y demander ses clés. Et ben, je laisse mes clés dans ma chambre, la porte barrée. Et t'as dormi sur le divan? Sur le divan. De quelqu'un d'autre? Non, j'ai cogné chez nous, j'ai réveillé, mais là, en même temps, mes clés sont dans ma chambre. Puis la porte de ma chambre est barrée. Tu vois, faut quand même être au courant des résidences, que chaque pièce a sa clé. Ouais. C'est ça. Je savais pas ça, mais. Je suis éduqué maintenant. Voilà. C'est à peu près ça, Émilie. T'as fait du très, très beau travail toute la session. On te remercie vraiment beaucoup et on a hâte de te recevoir pour d'autres chroniques dans le futur. Ben, merci beaucoup. Je sais que je t'ai pas fait pleurer, c'est ce que t'espérais, mais... Ah, oh, ben là! Je suis pas un gars qui mène à des émotions ben, ben grandioses en général. Comme dirait ma blonde, non? C'est pas ça que je m'attendais à ça. J'ai pas osé. Ouais. Mais c'est pas grave, parce que tu nous fais découvrir plein de groupes. Comme OK Go. Bon. On va passer au suivant, mais avant de passer au suivant, qui est Maxime Lemieux-Laramé, on va écouter une pièce qui nous a amené de MGMT. Laquelle veux-tu entendre? Je voulais entendre la deuxième pièce que tu peux nommer. Song for Dan Treacy? Ouais, c'est ça, Dan Treacy. Bon, on écoute ça, puis on revient après avec le très cru de Maxime Lemieux-Laramé. C'est pas... He spends his time, or maybe half of his time, or part of the time, wandering around the creeks and cobblestones of Hackney Lane. Tear in his eye, as the children walk by, he's thinking of the sound he stops to paint a picture of a friend walking around. Let it go. Song for Dan Treacy de MGMT sur leur album Congratulations. Maintenant, on accueille Maxime Le Mularamé, mais c'est pas pour sa chronique télécharge quoi, par contre. Je vais faire plus mystérieux, je savais pas dit ça, mais... On dirait un bulletin de nouvelles, ça, c'est le fun. C'est une tune de... Mais ça serait relax en crime, hein, comme bulletin de nouvelles. Ah, un bulletin de nouvelles d'une radio alternative, ça fonctionnerait. Ah, peut-être. Cool. L'info campus, quelque chose de genre. Non, check, c'est à moi, c'est... Oh, excuse-moi. Oui. Allez-y, je m'en occupe plus, là. On dirait vraiment l'introduction d'une excellente chronique qui a lieu à Assemblage Requis. C'est mieux, ça? Ouais, pas pire. Bon. Donc, si vous habitez dans le vieux Trois-Rivières, vous l'avez peut-être déjà surpris en train d'essayer de vous photographier par la fenêtre à votre insu. Mais rassurez-vous, il n'est pas inscrit au registre des délinquants sexuels puisque ça n'en est pas un. Il aime bien fréquenter les salles de spectacle de Trois-Rivières en compagnie d'une ou deux personnes, c'est-à-dire la totalité des foules au spectacle de Trois-Rivières. Il aime bien aussi développer des liens d'amitié avec les groupes qu'il va voir, par exemple, au bar Le Paradoxe. Exemple. Il est à la fois la personne que je connais qui « télécharge » entre guillemets le plus de musique, mais aussi celui que je connais qui en achète le plus. Il aime beaucoup les pita all dress, pas d'ananas. Et finalement, les gars sont jaloux de sa chevelure, les filles sont jalouses de sa blonde. Maxime Le Mularamé. Oh, wow! Hein? Hey, je sens qu'il y a des affaires qu'il va falloir expliquer en tout ça. C'était une ouais, c'est ça. D'une sœur. Ça, c'est des choses, bon, choses peut, à expliquer. On peut, on peut tout de suite raconter l'histoire du pita. Du pita all dress, pas d'ananas. Ouais. En fait, veux-tu la raconter? Parce que moi, je me souviens juste... T'as des vagues souvenirs quand même de ça, ouais. Mais oui, on s'est rencontrés, Maxime et moi, vraiment par un hasard complet à Sherbrooke. Toi, t'étais allé voir, je crois... Champion. Champion, c'est ouais. Ça. Champion au Granada. Moi, j'étais allé voir une partie de football du Vert et Or. Puis on s'est retrouvés par hasard à 3h du matin au Pita Pit de Sherbrooke. Et c'est ça, dans un état étrange. Ouais. Puis là, en fait, c'est ça, j'étais avec un ami, puis avec ma copine. Puis là, ma copine était comme, ben là, Max, arrête de parler Kiwan, là, viens commander ton pita. Puis là, j'étais comme, all dress. Puis là, tu veux même des ananas, all dress, pas d'ananas. Puis Kiwan était comme, man, Kiwan avait l'air tanné de me parler. Ben, je sais pas, non. Son ami avait l'air tanné. Ouais, il avait l'air tanné d'attendre. Il était comme dans le portique, puis, puis là, en fait, l'émission d'après, en fait, ma chronique d'après, j'étais arrivé, puis là, j'avais dit comme, ah, tu sais, Kiwan, il me semble que, tu sais, à la dernière porte à gauche, vous devriez faire jouer du band de garage. Puis là, Kiwan, il dit, ouais, on en a discuté à Sherbrooke, là, je vais en faire passer. je m'en rappelais pas. En tout cas, c'était merveilleux, c'était magique. Tu t'en as mis hier, fait que ça a pris. Ouais, c'est vrai. Hein. Oui, parce que cette semaine, on était supposé faire jouer du band de garage à l'émission Assemblage Requis. Ouais, c'est comme, ça. Comme tu nous avais demandé. Vous avez tellement de choses à penser pendant votre chronique, vous avez comme oublié. Tellement de contenu dans l'émission, ça roule tellement vite. Mais non, mais ça s'est quand même fait hier, ça, la demande spéciale. À la dernière porte à gauche pour Assemblage Requis. Ouais, c'est ça. Okay. Et Kiwan, dans un état certain, il ressemble à quoi? Non, mais Kiwan, c'est ça, c'est que je m'en rappelle ouais, presque pas. Ah, Kiwan, okay. Je pense qu'il était moyen correct, c'est ça? Ah, pas super. Okay. Okay, il était pas super, c'est ça, mais... Ben, c'est sûr qu'il comparait à toi, je fais comme vraiment... Ouais, c'est ça. C'est pas vrai. Donc, si on continue à expliquer un peu les insides incompréhensibles, ouais. T'étais pas vraiment un voyeur qui se promène pour photographier les gens non, chez eux? Non, c'est ça. En fait, j'ai été engagé pour faire l'inventaire des bâtiments historiques de la ville de Trois-Rivières. Il faut que je prenne en photo les bâtiments historiques, mais ça m'a valu comme des milliers de questions là, dans le vieux quartier de Trois-Rivières. Genre, qu'est-ce que tu fais là, toi? Puis, la parvaille. Hey, ouais. Hey, prends-moi pas en photo. Fait que, c'est ça. Mais j'ai été obligé de prendre des photos des vieux bâtiments et des personnes, des fabuleuses personnes du quartier... Sainte-Cécile. Hey, ouais. Mes oreilles d'historien scintillent. Hein. Tu vas m'expliquer qui est-ce qui t'engage, pourquoi tu fais ça tantôt. C'est hors d'onde. OK, ouais, hors d'onde, ouais, avec plaisir. OK, avec plaisir, hors d'onde. Sinon, ben, c'est vrai que tu vas souvent voir les spectacles ici à Trois-Rivières. Ouais, c'est ça. Puis il y a la joke du paradoxe. Ouais. C'est ça, dans le fond, c'est qu'il y avait un spectacle du Roi Poisson au paradoxe, mais tu sais, ici, je sais pas si quelqu'un connaît le paradoxe, là, ouais. Mais on le connaît pas comme une salle de spectacle, là, vraiment pas. C'est une salle de réception de mariage, entre autres. Ah ouais, mais en tout cas, c'était... Une pancarte. C'était terrible. Moi, je lis ça dans Le Voir. Là, je dis à ma copine, oh, on va aller voir, ça va être cool. On se pointe là. Il y avait moi, ma copine, puis le journaliste du Voir. Ouh. Le reste, c'était vraiment des locals là, qui buvaient leur 50 à côté. Puis, ils se foutaient du spectacle. Ils se foutaient complètement du spectacle. Là, puis il y avait une première partie aussi, c'était les Connards Orange, un band de Sherbrooke. Là, ouais. Fait que, tu sais, il y avait plus de musiciens qu'il y avait de spectateurs, là, mais en tout cas. Faut pas déprimer. Hein. Non, c'est ça, faut pas déprimer, mais en fait, tu sais, c'était juste le choix de la salle là, qui était à chier. Là, le reste, tu sais, je veux dire. Ils ont entendu dire que c'était assez grand pour pouvoir accueillir leur public. Ouais, ils se sont dit, on va prendre ça, mais... Sans ternir de réputation, j'ai entendu dire que c'était leur agente, ou c'est comme ça qu'on... Ouais, leur agente. Booker. Leur booker qui... Qui connaît absolument pas Trois-Rivières, qui a dit le paradoxe, tu sais. C'est un beau nom. Ouais, c'est un nom cool, fait que je vous book un show là. Fait que c'est ça. Mais. C'est ça. Mais quand on est allé voir Polyp aussi, il n'y avait pas beaucoup de monde, puis c'était au centre-ville. C'était pas si pire. Polyp, il y avait quand même pas mal de monde, là. Tu trouves qu'il y avait pas mal de monde? Ben, comparé à d'autres spectacles où je suis allé, il y en avait beaucoup. 14 personnes. Ben, c'est ça, c'est plus que 3, ça. En tout cas. C'est ça. Mm. Ouais. Hey, t'as-tu réglé ton problème de voisin bruyant? Hein? Ouais. Je t'en ai pas parlé, j'étais mais. Je suis en plein. On fait des travaux, là, présentement chez nous. En fait, je suis vraiment pas quelqu'un de manuel, fait que je peux pas expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait, là, mais il y a un nouveau mur chez moi, là. OK. Ouais, c'est super. Tant mieux. Ouais. Moi, c'est tout ce que je me rappelle de toi, en fait. Que j'entends mon voisin ronfler. Faire des choses, ouais. Non, je l'entends ronfler, là. Ben, t'entends sûrement d'autres choses, hein? Non, je l'entends pas d'autres choses. Ben, mon voisin est célibataire, la vie au... Ben, justement. aux demoiselles de 57 ans. Là. C'est encore une demoiselle à 57 ans? Je sais pas. Ben oui, vous êtes tout le temps des demoiselles. Une dame. Une dame de 57 ans. Ah, fait que c'est ça, là. C'est vraiment ça. Hier, je suis allé voir Plants and Animals, puis c'était vraiment excellent. T'es allé voir ça à Québec? Ouais, je suis allé voir ça à Québec. C'est la première fois que j'allais au théâtre du petit Champlain, pardon. Puis c'était vraiment excellent. C'est un excellent band, en fait. Tu sais, c'est du talent à profusion. Puis, tu sais, ils sont seulement trois, puis ça sonne comme s'ils étaient cinq. En tout cas, c'était excellent. C'est la tournée de lancement de leur nouvel album, ouais. La La Land. Ouais, l'album est sorti, en fait, mardi. Ouais. Mardi, puis ils sont à Montréal ce soir. Lac Tulip, si je ne m'abuse. Fait que c'est vraiment Plants and Animals, un de mes bands préférés ces jours-ci. C'est pas mal ça, là. On peut passer à quelqu'un d'autre. Okay, ben, j'ai assez parlé. Si vous le voulez, on voulait entendre justement une pièce de Plants and Animals. Peux-tu la choisir? Ah, là, j'ai choisi la plus courte pour qu'on ait le temps. Fait que, mais tu veux, si tu veux, si elle court. C'est la pièce après de Mama Papa, je pense, c'est. Fake It. Fake It. Elle est vraiment bonne. Yes. Et combien de temps? 4 minutes, ok. Ah, t'as coupé. ok. Fait que Plants and Animals, okay. Fake It tout de suite. Okay. Merci. Merci beaucoup, Maxime Lemieux Laramé, pour tout ton beau travail. On t'a même pas remercié. Ah, pas de trop. Oui, merci. Je suis là pour ça. Fake it. écoutez Assemblage Requis jusqu'à 17h. Kennedy featuring Yael avec la pièce John et Yoko. Hein, Simon Fitzbay? Ça dit tout. Et ils disent ça à peu près 20 fois, plus que ça. Peut-être au moins une centaine de fois dans tout. Étrangement, c'est le nom de la pièce aussi. Eh oui. Ça arrive rarement des choses comme ça. Effectivement. C'est ça. On reçoit Simon Fitzbay, et non pas avec sa chronique Paul is Dead, mais quand même on le reçoit. On a toujours le reste des chroniqueurs de C'est fou, évidemment, qui sont autour de la table et qui ont le droit de participer, je vous le rappelle. Donc, Émilie Gauthier qui est là. Oui. Et puis, Maxime Emile-Ramé. Stéphanie n'a pas de micro, pauvre elle. Quand même, que voulez-vous? Vous pouvez vous partager le micro. Hello! Je t'imitais quand même pas pire. Je pensais excellent, que c'était la même affaire. Excellent. Ben, je savais bien. Donc, on va faire comme avec tous les autres. Je dois dire, en passant, si vous me posez pas une question, au moins après, je vais me sentir mal. Mal le prendre. Okay. On va se forcer. Des menaces déjà. J'en ai déjà une à te poser. Okay, ben, après, excuse. Après le très cru, parce que là, on explique le concept ben oui, aux ben gens. Oui. Puis Kiwan et moi, on a tous préparé des questions sur ce qu'on connaît de vous. Donc, sur la réalité, ce qu'on a appris avec le temps. T'sais, on vous connaît quand même depuis au moins une session ou deux, même, je pense, deux pour la plupart. Sauf Stéphanie. Mais bon. Hein? Ben quand même, t'arrives en retard, ça, je te dis. On se connaissait avant, là, c'est juste oui, qu'on n'était pas ensemble à l'émission. Mais donc, les gens ne savaient quand pas, faut pas briser le quatrième mur. En fait, il n'y a pas de mur parce que c'est pas de la TV. Maintenant. Bref, Simon, qu'est-ce qu'on sait de toi? Le mythe dit que Simon anime 25 000 heures par semaine à C'est fou. On dit aussi qu'il dort pas souvent et qu'il préfère s'asseoir en boule dans le coin du studio pour préparer son prochain top de l'insolite par les émissions des autres. C'est ce qu'on dit. On a entendu dire ça. Ça arrive. Un autre mythe dit que C'est fou, le diffuse que des rediffusions, mais la vérité est qu'habituellement, c'est juste parce que c'est Simon, mais c'est quand même du nouveau contenu, mais il est comme dans toutes les émissions, fait que t'as l'impression que c'est une reprise. Ça arrive, ça aussi. C'est ce qu'on entend dire. Il voue une admiration sans borne, je dirais, pour le nouveau président de l'OGE, Frédéric Desrues. Ah, je l'adore, tellement je rêve à lui la nuit. Mais tellement que t'as parti une Facebook page, oui, dédiée à amener M. Desrues à se refaire une page sur le site. Effectivement. C'est un fervent amateur, Simon Fitzbé, des produits Apple, particulièrement de l'iPad. Et d'ailleurs, on voulait lui en offrir un en cadeau pour avoir participé à l'émission, pour, reconnaître son travail, quelque chose du genre. Mais c'est tellement un produit léger et fantastique qu'Iwan l'a échappé par terre et a roulé dessus avec son char. On est désolé. Vous faites une vidéo, au moins? Non, pas penser à ça. Nous autres, on n'est pas de même. On n'est pas opportuniste avec une caméra dans la poche tout le temps. Non. On n'est pas sensationnaliste, c'est ça. Et l'iPad n'a pas de caméra. Il porte fièrement son beau chandail vintage des Nordiques, quand même assez régulièrement. Mais ça, c'est quand il ne porte pas son chandail des Canadiens. Fait qu'on croit qu'il est soit bipolaire ou au moins infidèle sportif. Ouais. C'est certain. Il est maintenant membre du conseil d'administration de C'est fou. Donc, évidemment, je n'ai que des choses positives à dire à son sujet. Est-ce que je peux t'offrir quelque chose à boire, d'ailleurs, du vin, quelque chose du genre? Je pense que j'ai du bling-bling, de l'or, des bijoux. J'ai tout ce que tu veux. Je prendrais une bonne blague à la Mathieu Plante. Moi aussi, je suis sur le CA puis je veux pas de blague à la Mathieu Plante. Oh, il y a un conflit ici. Ça va pas bien, ça. Mais en même temps, c'est une résolution officielle. Je seconde. C'est un peu comme dire que tout le texte que je viens d'écrire était pas de l'humour à la Mathieu Plante. Non, justement, c'était pas de l'humour à Mathieu Plante parce qu'on a ri. Et si les gens rient, c'est qu'il y a quelque chose de pas correct. Des blagues. Ah, t'es fin. On est capable, nous autres aussi, d'en faire. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça va rentrer dans le temps? On sait pas. Rediriger vers moi. Bref, c'est ça. Donc, t'es dans le CA de C'est fou depuis récemment, depuis la dernière Assemblée générale. Eh oui. Tu t'y plais? Non. Ben oui. Pas, non, mais ça doit pas vraiment. Non, mais je m'y plais de certains côtés, mais faut dire qu'il y a des formalités que j'aime pas vraiment parce que je suis pas quelqu'un de formel. C'est très, très tight, hein, un CA. C'est, Ouais, on a vu ça au dernier CA. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était en tout cas. On n'a pas le droit d'en parler. Ben non, c'est confidentiel. Côté nordique canadien, tu votes pour qui là-dedans? Parce qu'à un moment donné, il faut se faire une idée. On est en temps de guerre ici. Les North Stars du Minnesota. OK. Il n'y a plus d'équipe des Nordiques de Québec. Mathieu. Ouais, mais je sais bien, mais à un moment donné, quand t'étais fan des Nordiques avant, tu deviens pas soudainement fan des Canadiens? C'est quoi? C'est ça. Que tu ferais pas pour être populaire auprès de tout le monde. Ouais, c'est ça, t'as l'air d'un gars qui tient vraiment à sa popularité. Ouais. Bon, c'est à moi de poser une question? Ben vas-y, quand tu veux. En fait, moi j'écoute régulièrement tes chroniques, puis je me demandais, j'aimerais ça que tu fasses rapidement ton top 3 des albums classiques rock. Oh! Des albums de rock classique. Ouais. Qui te passent par la tête, vite. Oui, rapidement, je te dirais, numéro 3, il y aurait probablement. Parce que c'est comme trop. C'est pas grave si. Tu me prends sur le. Mettons plus vite. Oui, plus vite que ça. T'as pas compris. Je dirais, entre autres, il y a Days of Future Past des Moody Blues que j'aime beaucoup. C'est vraiment rapide, j'ai pas le temps d'y penser, c'est ça qui est dommage. Sinon, j'irais dans le crowd rock et je dirais probablement, parce que là, il y en a beaucoup que j'adore, le tout premier album de Faust qui se nomme Faust, tout simplement, vinyle transparent et tout. Et numéro 1, ça c'est facile à trouver par contre, c'est Ram de Paul McCartney, album qui est paru en 1970. Album jaune, il est tout beau. Là. C'est vu par plusieurs comme étant le tout premier album de indie pop rock qu'il y a eu dans le monde, comme 30 ans avant le mouvement. Donc c'est quand même assez bien. Parfait, ouais. Ça répond bien à ma question. Ouais. Puis Frédéric Desrues, est-ce que ta mission avance? Est-ce que t'as réussi à convaincre pas mal plus de monde que tu pensais à le ramener sur Facebook? La dernière fois que je suis allé, c'est genre il y a 2 jours, on était rendu à 37 membres. Je vais m'ajouter d'abord. Oui, allez-y tous. C'est une invitation générale à tout le monde d'aller rejoindre la page Facebook pour que Frédéric Desrues revienne sur Facebook. Ça vaut la peine. je tant que ça. Pour terminer, tiens, avant de te dire au revoir, parce que le temps file, on va faire tes plugs pour cet été parce que tu as des nouvelles émissions et des changements d'horaire, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Est-ce que je le fais ou tu le fais? Non, ou... non, ben, je vais te laisser les faire parce que j'ai pas encore le mode par cœur de théâtre. Ok, parfait. Donc, il va y avoir un genre de bleu qui est une émission dédiée au jazz et au blues qui va avoir lieu les lundis soirs de 18h à 20h. Ça, ça va être après une émission... Il va s'appeler Les Palmarès, c'est fou, ça, ça? Ah, c'est après Palmarès. Ah, OK, c'est pas palmarès. Après l'autre affaire qu'on peut pas c'est... parler de suite, non. Parce que c'est pas officiel. C'est ça. Okay. C'est officiel, c'est juste un secret qu'on garde pour la fin. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Donc, il va y avoir cette émission-là qui va être le lundi de 18h à 20h. On rappelle les vendredis matin, en passant. Oui, effectivement, j'avais oublié. Et également, il va y avoir l'émission On s'appelle une fois semaine, qui est un peu donc l'enfant illégitime de On s'appelle et on déjeune, qui donc a lieu le mercredi de 13h à 18h, émission du retour. De 15h à 18h. Oui, j'ai dit de 13h à 18h. Oui, mais c'est pas grave. Ah, je suis pas assez bon pour faire autant d'heures. Moi. On rappelle le samedi. Ah. Après une autre émission de genre 13h à 16h. OK. 13h à 16h. Et ça, justement, le 13 à, le 15 à 18, donc dans un genre de concept. Le temps avance, oui, ça va être notre concept de plus tard. On dirait. Ouais, c'est ça. On va en parler tantôt ensemble. Comment? Non, j'allais dire le 15 à 18, on dirait qu'on parlait d'une danse au secondaire. C'est ça. Ou d'un vol d'avion, le vol 15-18, quelque chose comme ça. Moi, j'avais pas d'amis au secondaire qui dansaient avec moi. Après l'émission, on fait un câlin. Après ça, non, mais après ça, je me suis mis à porter les chandails des Canadiens et des Nordiques. Puis là, j'en avais plein. Fait que ça... La cote de popularité, comme on l'appelle. Augmenté, ouais. Augmenté. Donc, merci beaucoup, Simon, pour ton beau travail encore une fois, toi aussi. Ben, merci à vous de m'avoir accueilli pendant toutes ces belles semaines et félicitations pour votre beau programme aussi. Pour, ça, c'est l'émission de Pierre-Yves-Laure à Énergie Québec, ça. Fait que, ouais. Ben, félicitations pour vous autres, là, d'être vous-même et d'avoir animé Assemblage Requis pendant autant de temps. C'est fin, ben, on te rend hommage pareillement, grand dedans. Et moi, personnellement, j'aurais tiré à la plug après deux semaines. Je te comprends. Mais... c'est pas assez proche. On était pognés. Hein? On espère. C'est ça. Il voulait nous remplacer par, je sais pas, l'appeler du lendemain. Bref, merci Simon. OK. Interlude et on revient. Vous êtes Assemblage Requis dans le très cru. C'est comme le très creux, mais. Mais avec des crudités. Là, c'est un interlude à la pilule du lendemain. Ça sera une pièce de Peter Frampton qui dure 14 minutes. Pas le choix. C'était pas Peter Frampton, non, c'était Xavier Caffeine avec sa pièce interlude. Juste parce que c'était court. Maintenant, on reçoit Stéphanie Gagné avec sa chronique, ton plat favori, mais avant ça, c'est la suite du très cru, mais on met son thème quand même parce que ça fait plus cute. Je suis ton plat favori. Évidemment, toute l'équipe de l'Assemblage Requis, de la session, sont avec nous en studio. Donc, on le répète, Émilie Gauthier est toujours là. Elle va partager le micro, Stéphanie, s'il y a quelque chose à dire, mais à date, ça n'a pas l'air. Gêne-toi pas. C'est bon! Là! Okay. On a Simon Fitzbay, on a Maxime Lemire-Amé. Kiwan est là, mais là, à un moment donné, t'es mon co-animateur. Mais tu parles pas tant que ça, parce que c'est moi qui ai préparé la prochaine aussi. Ouais, je suis dans le studio B aussi, donc... À distance, dans ta caravane, caravane Assemblage Requis. Dans le mobile. Dans le remote. Donc, en direct du P4. C'est ça, comme Jean-Loup. Yes, sir! Donc, je rappelle le concept du très cru. Ce qu'on fait, c'est qu'à la place d'avoir un paquet de gens qui rendent hommage à une seule personne pendant toute une soirée, c'est deux personnes, Kiwan et moi, qui rendons hommage à plusieurs personnes, c'est-à-dire les chroniqueurs d'Assemblage Requis. C'est clair. Hein? C'est surtout Mathieu à date. Hein, mais... T'as fait une personne. Pas pire. C'était la plus drôle. Ouais. Les talents de scripteur sont quelque chose qui n'est pas inné. Hey, tu vas voir l'année prochaine là, un gars geek qui va te scripter. Ah, oh, j'ai hâte à ça, moi. Ça va être bon, ça. Ça serait tellement cool. Ouais. Donc, comme on disait, avec chaque personne, on parle de choses qu'on a appris à votre sujet pendant la session. Stéphanie, qu'est-ce que j'ai appris pendant la session? C'est que, comme dirait Kiwan, tu animes Lapin Bêche en mission. Non, une pain bêche en mission, Mathieu. Fais pas ton Kiwan. Excuse-moi. Elle aime et même collectionne les divans. Elle a un faible pour les spas de luxe dans son salon ou dans sa chambre à coucher, si possible les deux, dépendant. Elle fabrique des sous-marins, c'est son métier. Elle est maintenant immunisée et ne pleure jamais en coupant des oignons. Elle n'est pas capable d'aller dans des spectacles seule, donc elle harcèle ses amis pour y aller avec elle, mais c'est comme ça qu'on l'aime, par contre. Elle est tellement fanatique d'Assemblage requis qu'elle est même prête à m'endurer pour co-animer avec moi la version estivale de l'émission dont on parlera plus tard. Mm-hmm. Oh! Oh! Oh! Ouais, oh! Oh! Elle est chef, ou comment t'appelles ça dans les cadets? Contremaître. T'étais pas obligé de mentionner les cadets dans la radio, c'est là. Trop tard, là. Hein? Adjudant, trop chef. Trop tard. Adjuif? Adjudant? Adjudant? Pas adjudant. Okay, je vais me faire picher des tomates. Mais c'est pas grave. On peut s'imaginer qu'elle sait manier la mitraillette, donc on va être gentil avec elle. Vous allez pas à quelle sorte de cadet? Ah, continue, Mathieu. Ben oui, mais c'est une chose à la fois. Elle a plagié Malajube avec le titre et la chanson-titre de sa chronique Ton plat favori. Mais on peut pas en parler parce que c'est devant les tribunaux. Donc. Exactement. Elle a une obsession complète pour Tegan and Sarah. Il n'y a rien qu'elle serait pas prête à faire pour elle, sauf peut-être se débarrasser de sa collection de divans, mais ça, on n'est pas certain. Elle adore les années 80, entre autres le film The Breakfast Club. Et comme dans le film, t'as vu que ici tous les chroniqueurs se retrouvent en ce moment ensemble, presque en retenue, en fait, je vous empêche de partir, peut-être apprendrons-nous à passer outre nos réputations respectives et à s'apprécier mutuellement, comme le dit le résumé du film. Et je pense que un peu comme dans The Breakfast Club, avec la phrase « Qui pensez-vous être? », on va se rappeler un jour d'elle pour ses phrases classiques telles « Est-ce qu'on vous le fait griller? » « C'est le poivre vinaigrette, pour ici ou pour emporter, et en trio ou seul? » Ça va être vraiment les phrases qu'on va retenir d'elle. Merci. Je suis touchée. Mais c'était ma dernière journée au cerveau aujourd'hui, c'est fini. Ça va être juste une autre sorte de sous-marin et eux, ils n'ont pas autant d'options. Tu mangeras plus jamais frais. C'est fini. On parlera pas de la fraîcheur de au pitopit, c'est frais. Surtout les ananas. Moi, j'ai une question. Bon, reparti des débuts, là, je suis sûr que j'ai des spécifications. Là. Non, mais j'ai une question. Moi, c'est quel sous-marin faut prendre pour ne pas puer des mains après? Ah, aucun. Il n'y en a pas, OK. Mange ailleurs. OK, c'est bon. Est-ce que tu veux sentir mes mains? Ils sentent encore de ma journée de job. On venait pas de signer un contrat de publicité avec Subway. Je pense qu'on venait le perdre. Est-ce qu'on a mentionné comme deux fois le nom de Subway? Est-ce qu'ils achètent de la pub assez fou? Maintenant, non, oui. On aurait aimé ça. Maintenant, oui. Recommence du début. Okay, donc, c'était-tu mes divans au début? Rapidement, oui, les divans. C'est quoi l'histoire? Ben, c'est juste que j'ai trois divans, mais il n'y a rien d'anormal. Trois grands divans? Non. Un très, très grand, un grand et un petit. Subway, manger frais. Et t'es combien pour utiliser ces divans-là? Ben là, on est trois, là. Mais je vais être seule. Bientôt. Okay. C'est bon. Sous-marin, c'est vrai, bon, c'est ton métier, on l'a dit. Spectacle seul, c'est que t'as demandé à Kiwan d'aller avec toi à un spectacle récemment, et puis ça a fait pas de temps. Ben oui, puis il m'a fait à croire qu'il était allé tout seul. C'était très bon en passant à Los Campesinos. Ouais. Hey, il n'y a même pas voulu y aller, c'est vraiment injuste. Ah, je vous dis. Sautons par-dessus, plein d'affaires. Les cadets, est-ce que t'as une mitraillette? Non, j'ai appris à faire du tir, par exemple. Tu tires à? La carabine. Puis bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. J'avais comme 14 ans. Tu peux piloter un avion? Non, j'ai peur des hauteurs. Un hélicoptère? J'ai peur des hauteurs. Je comprends pas. Tu peux-tu piloter un hélicoptère? Non plus. Une montgolfière? Non. Un ballon dirigeable? Peux-tu prescrire les médicaments? Ah non, ça, c'est docteur. Hey, Mathieu, j'ai une question. Hein? J'ai une question que je sais que t'aimerais poser. Là, mais pour être dans les cadets, là... Faut-tu absolument avoir un frère ou une sœur plus vieille puis pas en avoir de plus jeune? Non, moi, okay. J'avais pas de sœur. Je viens juste de la comprendre. Hey, ça, c'est directement tiré de l'Académie Mathieu Plante. C'est fou, hein? Tu mérites ton diplôme. J'ai appris. Bravo. C'était tout. L'enfer. Et je suis certaine que t'as pas écouté Breakfast Club. Hein. Je suis sûre que t'as juste regardé Wikipédia. La page Wikipédia, exactement. C'est clair. Tu connais bien. T'aurais hein? dû l'écouter, ouais. C'est tellement Mathieu, bon. Mathieu, liste de films classique. À écouter, La Guerre des Tucs, Breakfast Club. C'est ça avec Emilio Estevez. Oui! Gordon Bond. Il fait le monsieur sport, le sportif. Donc, il n'est pas crédible pantoute. Arrête, c'est tellement bon. Franchement, Simon. Ben, justement, Gordon Bombay dans Mikey Ducks. C'est pas le docteur dans Ma sorcière bien-aimée, ça? Docteur Bombay. Non, mais c'est le nom de Golden Bombay, c'est le nom du nouvel frère Rachel. Bon, justement, en parlant. Tout le monde parle en même temps. En parlant de Golden Bombay, c'est le sujet de la chronique. Non! Allons-y avec la chronique. Allons-y. Alors, j'ai juste une chanson aujourd'hui, vu qu'il reste. Tu vas perdre pas mal de temps dans ton émission, juste peut-être 5 minutes. C'est pas grave, j'irai très vite dans mes sorties. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de spectacles. Mais pas un peu dans mes émissions. Ben non, je vais la mettre pareil. Continue. Mais bon, le sujet, c'est Mister Valère, un groupe que j'adore et qui est la trame sonore de pas mal toute mon émission. Ils ont sorti un nouveau single de leur prochain album, Golden Bombay. La pièce s'appelle Ave Mucho. C'est avec James DiSalvio et Liquid de Brandvan 3000. C'est sorti cette semaine. Téléchargement gratuit sur le avemucho.mv.mu. Je vais demander à Mathieu de mettre ça sur le site plus tard quand on va pas être 10 000 dans le studio. C'est bon. Ça serait bien. Puis aussi, vous pouvez réserver votre place pour le lancement et acheter en pré-vente l'album sur orbitsecure.com /Mister Valère. Alors, c'est leur troisième album et on va entendre leur chanson Ave Mucho à l'instant. Cet assemblage requis. Et au retour, le très cru rapide de Kiwa. Tu m'as clairement fait 4, par exemple, avec tes mains. Je veux pas te contredire. Hein? Oh. 3. 3. 3. C'est ça. Comme des scouts. 3. Comme des scouts. Ça, c'est Star Trek, par exemple. Comme ça, non? Je veux même pas ça, Star Trek, parce que tu vas avoir le coup sorti. Parce que si tu fais ça comme ça, c'est un salut juif. Vas-tu parler par toute la chanson ou. C'est un remix. Mais bref, si tu mets ton pouce en. I was thinking we could work it out. We can bump this shit all over town. We gon' rock that hit, girl. Flip that script, girl. Get that paper, people bound. You know, we the ones that keep on reaching. Triple checking, downtown beacons up. Hold it now, that no school jeans in. We put the love in fantasy. When the beat drop and my beat lock, that's when we go. When the beat drop and the beat lock, that's when we go. When the beat drop. That's when we go. When the beat drops and the beat slides, that's when we go. Oh, you know, oh, you know, oh, you know. Yeah. Candy floss, we got this exhibition ride. Reason for the party to have a drink outside. To take a off the riff and get on that ride. We got these pretty young things to come and loosen the slide. For the time that flies, hips that glide. Ice lips thin in the ass, that's why. Late night, my body tired of born off vibration. I'm feeling right the morning, out of sight without the patience. Music got you moving in your club position. Wind in my face, the sound on my back. I like a record button on a fresh laid track. I'm cool under pressure, check the playback. Doesn't matter where I'm from, man. It's where I'm at. See my cat in this hat with a dug out of bash. We got the sun shining down, singing tit for tat. And that's that. And that's what? And that's that. Yeah. When the beat drops and the beat slides, that's when we go. Oh. When the beat drops and the beat slides, that's when we go. Oh. When the beat drops and the beat slides, that's when we go. Oh. When the beat drops and the beat slides, that's when we go. OK, je vais parler comme d'habitude. Ben ouais, comme si c'était ta chronique, tu sais. Ben c'est ça. C'est ça. On vient d'entendre Ave Mucho de Mister Valère de leur prochain album. Troisième album, Golden Bombay. Assemblage requis avec la belle émission spéciale avec tout le monde. Simon, Maxime, Kiwan, Mathieu, Émilie et moi-même. Ben oui, et parlant de Kiwan, c'est un petit peu triste en ce moment d'émission parce que non seulement on défonce dans l'émission, la dernière émission de la Paille-Bêche en mission de Stéphanie, mais en plus, c'est la dernière émission d'Assemblage requis avec Kiwan. Eh oui. Donc, toi aussi, tu vas mériter un petit très cru, je pense. Parce que ce serait stupide de ne pas le faire, étant donné que c'est ta dernière. Hein? Ouais, effectivement, ce serait très stupide, Mathieu. Comme on a fait avec tous les autres, donc on va parler des choses que je connais. Je veux dire, on se connaît quand même pas mal depuis quelques temps, mais ce que j'ai retenu d'important, on sait que tu es arrivé de Russie peu avant le début d'Assemblage requis en 1972. Ton accent a beaucoup changé depuis ce temps-là, mais par contre, ta barbe est pas mal restée pareille. Hein? Ouais. Il a animé la... Vas-y. Non, rien, juste plus grisonnante un peu. À peine. T'as animé la dernière émission de La Dernière Porte à Gauche aussi hier soir et l'événement était vraiment similaire en certains points au dernier spectacle de Jean-Pierre Ferland. Il y avait plusieurs personnalités qui ont tenu à être présentes. Là, Gilles Vigneault, Kevin Parent, Michel Richard, le producteur Guy Latraverse, Clémence Desrochers et même Bernard Landry. Hein. Oui, et malheureusement, c'est... j'avais oublié de déverrouiller la porte, donc ils n'ont pas pu venir. Ils pensaient que c'était la chasse galerie. Ouais, c'est ça. Depuis plusieurs mois, le célèbre animateur ne pensait qu'à cette dernière émission. Il avait répété à maintes reprises qu'il quittera des films. Non, ça, c'était le texte d'un article sur Jean-Pierre Ferland, excuse-moi. Il transporte de la crème glacée dans son camion et a passé une bonne semaine sur le dos l'automne passé. On s'en rappelle tous parce que vous avez souffert à travers une semaine animée seulement par moi. Il porte un corset et anime l'émission debout depuis l'incident malheureux. C'est triste. Corset qui fit d'ailleurs très bien avec sa tuque et ses bas collants, qui porte fièrement tel un ancien voleur de banque. Avec ma gaine. Avec ta gaine. Il a animé Respecte les dauphins pendant longtemps, une des émissions du retour de C'est fou. Sa chirurgie plastique pour devenir un dauphin a été un grand succès, malgré qu'il a arrêté avant la fin, mais il cache très bien ses déformités, je trouve. Ma dauphinoplastie. Ta dauphinoplastie, on s'en rappelle, t'es dangereux. Ouais. Il possède un grille-pain qui fait des routis avec un logo de John Deere, c'est bien ça? Et, un chevreuil, avec un chevreuil. Chevreuil, dessus, excuse-moi. Ouais. Il met des lumières de Noël dans son micro-ondes, quand même. Il a animé pendant plusieurs années avec moi, donc on peut dire que c'est une personne excentrique. Malgré le grille-pain. Malgré le grille-pain. Quelqu'un de patient. Oui, de patient. J'ai entendu dire qu'il prévoit faire le tour des poutineries du Canada et d'ailleurs, il nous en parlait lors de Chroniques Futures dans Assemblage requis. Apparemment que tu veux goûter à toutes les sortes de poutines. Hein? Des poutineries. Ben, c'est ça, ben, c'est un petit peu une référence au Festival de la poutine qu'on était ensemble. Je me demandais s'il y avait beaucoup de poutines ailleurs au Québec. Hein. Ben, apparemment, c'est de plus en plus populaire. Ouais. Le Festival mondial de la poutine va avoir lieu à Toronto et pour des raisons techniques, il n'y aura pas personne du Québec pour représenter le Québec au Mondial de la poutine. Ah. C'est ça, les lois pour les concours sont différentes au Québec, je pense. Maxime, tantôt, tu voulais savoir pourquoi tu avais courriel à Rakovchinski. Je pense que l'affaire de Russie a un petit lien avec ça. Maintenant, je comprends mieux sa vraie identité. T'expliqueras pas pourquoi tu t'appelles Kiwan Rakovchinski. Rakovchinski, il n'y a absolument aucune raison. C'est juste une suite de... C'est comme échapper son café sur son clavier. Ouais, échapper une balle sur son clavier, puis il y a plein de lettres qui en sortent. Et puis Kiwan, parce que c'est mon surnom, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est pas mon vrai nom. Mais c'est quand même. C'est quoi ton vrai nom, Kiwan? Saute pas au prochain sujet de Mindset. Non, quand même pas. Pas autant de. Oh. Non, c'est pas un. Je pense que c'est pas autant un secret, là. Mais bon, vous pouvez facilement le trouver si vous voulez. Okay. Mais non, c'est un nom que mes amis m'ont donné il y a très longtemps, quand j'étais au début du secondaire, je dirais. Puis je sais absolument pas pourquoi. Puis j'ai même lutté. J'ai lutté longtemps contre ce surnom-là, mais en vain. Puis beaucoup de gens aujourd'hui savent pas mon vrai nom. Ils pensent que je m'appelle vraiment Kiwan. Tu nous quittes, c'est vrai. Tu peux pas vraiment nous révéler la raison et ce que tu vas faire cet été pour l'instant. Il y a un embargo sur... Un embargo. Un embargo. Mais on va avoir l'occasion d'en reparler ensemble pendant les prochaines semaines, les prochains mois. Parce que avant de te quitter complètement, on va quand même accueillir la prochaine co-animatrice d'Assemblage requis pour la session d'été, Stéphanie Gagné. C'est le punch. C'est le punch de l'émission. Il me semble qu'on l'a dit tantôt, non? Ouais. C'était subtil tantôt. Il me semble que ça a beaucoup leaké depuis une semaine, pratiquement. Ben, avec les internets de nos jours, on peut pas vraiment cacher des informations. Hey, mais en se parlant sur Facebook, ça l'aide pas. J'aimerais ça rendre hommage à Kiwan. OK, c'est le même que ça faire, ça va? Ouais, je vais l'imiter. OK. Salut, je m'appelle Kiwan. Ça va? C'est super. Non, c'est une exagération de la réalité. Quoi? En tout cas, c'est touchant au bout. Ouais, je suis vraiment ému. Là. Hey, 3 mois de pratique. Yes! C'est ça que tu faisais les matins quand il n'y avait personne qui animait avec toi. Exactement. Donc, c'est ça. Stéphanie va animer Assemblage requis avec moi tout l'été. Ça va être une belle partie de plaisir. On va animer ça les jeudis entre 15h et 18h. On rappelle les samedis à partir de 16h. 16h. 18, 19, c'est ça, 16h. Ouais, fait que je suis avant vous autres, danse. Je vais être par-dessus vous autres le samedi, puis juste avant vous autres le... Oh, ça va être excellent. Ça va valer de l'exclusivité. Ça commence la première semaine du mois de mai. Moi, je vais animer une émission spéciale d'Assemblage requis jeudi prochain avec certaines de mes chroniques préférées de votre part et je vous demanderai de m'aider à choisir ces chroniques en temps et lieu sur Facebook. Encore une fois, c'est là que ça se passe. ça va être jeudi prochain, donc entre 15h et 18h. Stéphanie va suivre avec une pebèche en émission en quelques minutes. Soyez-y et soyez là la première semaine de mai pour notre co-animation. Il va aussi y avoir les palmarès C'est fou cet été, les lundis entre 15h et 18h. On rappelle les vendredis soirs à 17h. Kiwan, merci beaucoup d'avoir participé à Assemblage requis pendant autant merci de temps. À vous tous. Et respecte les dauphins, la dernière porte à gauche et tout ce que tu as fait pendant tellement d'années. 3 ans, tu disais? 3 ans et demi. Et sérieusement, on se retrouve dans Assemblage requis. C'est certain que je ne te laisserai pas partir comme ça. Puis que je ne pourrais pas faire une chronique dans l'émission de quelqu'un d'autre. Là, hein. Tu as commencé à parler à du monde, je savais. Moi, j'attends les offres. Je savais. Parler à mon agent. On se parlera tantôt. Moi, j'aimerais... je sais pas, s'il y avait quelqu'un qui avait prévu de quoi pour Mathieu ou... C'est Mathieu, plus le temps qui manque, hein? Ouais, mais on pourrait te féliciter au moins. Hein? Félicitations ouais, aussi à Mathieu Plante. Ouais, qui, pourquoi, Mathieu? Félicitations aux deux. Ouais. Félicitations à Mathieu Plante d'avoir réalisé le meilleur de son possible d'une bonne animation. Le meilleur de son possible. Quand il a l'expérience. Ah, mais c'est donc bien gentil de ta part, ça, Caroline. Mais je trouve qu'en l'honneur de... En fait, je vais remercier tous les autres qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. C'est pas comme si on les oubliait. Émilie Gauthier, merci beaucoup. Stéphanie Gagné, Simon Fitzbé, Maxime Lemieux-Ramé. Oui. Et à Alex Delage et aussi le gars des Incorrigibles qui sont pas ici aujourd'hui, mais qui ont quand même participé à l'émission pendant la session. Tout à fait, on les remercie. Et certains d'entre vous, on sait pas qui, parce que pas tout le monde qui répond à ce message sur Facebook en passant. Il y avait deux parties au message qui disaient « Voulez-vous participer cet été? » En tout cas, je sais pas, vous avez peut-être oublié ce passage-là. Donc, peut-être qu'on retrouvera certains d'entre vous pendant l'émission cet été ou cet automne. On se quitte avec... en fait, je viens juste de choisir ça dans le rack parce que ça donne bien. C'est une toune courte. et c'est un hommage à Kiwan et à moi. Donc, voici peut-être ce que tu te dis parce que tu me quittes sans vraiment avoir de raison valable, je trouve. Voici Danko Jones et « I wanna break up with you ». Bye, bonne semaine. Right now, you're driving me crazy and I want out. Want out. You sit on my friends and talk too much. Too much. I know your nagging will never stop. Shut up. You've really let yourself go. We don't have sex no more. Turn in